L'homme, ennemi de l'esprit. Mais il se trouve qu'effectivement, c'est l'homme qui est l'ennemi de l'esprit. Étant donné que l'homme s'identifie dans son âme et que, étant donné que l'homme est convaincu que l'âme est ce qu'il y a de plus important, que l'homme doit sauver son âme, ben, effectivement, dans ces conditions, l'homme devient l'ennemi de l'esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, je demandais à des gens sur la rue s'ils avaient une âme. Et on me répondait, ben, évidemment, comme tout le monde, l'homme étant collectif comme il est. Et moi, je leur demandais par la suite, avez-vous une âme ou si vous êtes une âme? C'est la question qu'un enfant ne doit jamais demander à des adultes. Parce que j'étais jeune, ça demande donc à l'adulte de réfléchir, et l'adulte réfléchissant arrive à la conclusion que je suis complètement fou. Je suis un malade, débile, c'est une question niaiseuse. C'est pourtant pas une question niaiseuse. Avons-nous une âme ou sommes-nous une âme? C'est extrêmement important d'avoir la nuance. Plusieurs personnes par la suite m'ont expliqué qu'ils étaient une âme. Alors je leur demandais pourquoi ils m'avaient répondu qu'ils avaient une âme. Alors ils m'ont dit que c'était une façon de parler. Mais si c'est une façon de parler, je leur ai dit que c'était sans doute une façon de penser. Et que ma question, les ayant relativement bouleversés, ils ont répondu immédiatement à la question comme s'ils avaient toujours eu la réponse. Je suis une âme. Je n'ai pas une âme. On peut poser la même question. Avez-vous un corps ou êtes-vous un corps? L'homme dit « j'ai faim ». Il ne dit pas « mon corps a faim ». Mais il prétendra dans son évolution avoir un corps. Le corps est le véhicule de l'âme qui permet « mais j'ai faim là ». C'est drôle. Quand nous parlons spiritualité le ventre plein, le corps est un bas véhicule qui permet l'expérience de l'âme, qui permet l'expression de l'intelligence, de l'esprit. Et lorsque moi, j'en parle pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures, la personne qui est dans ce véhicule commence à avoir faim. Et à un moment donné, elle m'a dit « j'ai faim ». Alors, j'essaie de lui expliquer que l'âme ne peut pas avoir faim de nourriture, et puis là, elle me trouve pas mal tannant, et puis là, « j'ai faim » se lève et va manger. Quand « j'ai faim » en manger, là, « j'ai faim » revient me dire que son corps est toujours un véhicule. Parce que j'ai faim, n'a plus faim. Alors, ce n'est pas une façon de parler que de dire « j'ai une âme ». Avons-nous ou sommes-nous? Ce n'est pas une façon de parler. Théologiquement, l'homme a une âme, depuis le début de la conscience existentielle de l'homme. Si l'homme a une âme, c'est qu'il s'est vu donner une âme à un moment donné. Et encore là, dans certaines traditions théologiques et ésotériques, on retrouve effectivement une chronologie où l'homme se serait vu pourvu d'un homme. Ça remonterait à la création de l'homme et de la femme dans l'Éden biblique, ça remonterait donc à la sexualisation de l'hermaphrodite humain à l'époque de la Lémurie. Oui, mais effectivement, on a été instruit comme ça. Ouais, mais c'est pas une raison. De là où vient la difficulté de discerner pour beaucoup d'entre nous, bien évidemment, on le croit qu'on a une âme. Le gros problème, c'est comment pouvons-nous penser intelligemment de sauver son âme si cette âme n'est pas nous? Parce que nous dirions « sauvons-nous », mais on dit « sauver son âme ». Alors, je dois sauver ton âme, c'est la parole du prêtre. Je ne dois pas sauver l'âme, je dois sauver l'âme de l'homme. Si l'homme a la faculté de sauver son âme, c'est que l'âme n'a pas la faculté de se sauver. Si celui qui a la faculté de sauver l'autre est là, il est nécessairement supérieur à ce qu'il doit sauver. Tu ne peux pas demander à l'inférieur de sauver le supérieur. Si donc l'homme doit sauver son âme, c'est que l'homme est quelque chose de différent de l'âme et de supérieur à l'âme. Sauf que dans une conférence intitulée « L'homme, le maître esclave », j'expliquais de quelle façon l'homme avait créé des choses et par la suite, de quelle façon il s'était agenouillé devant ses créations. Alors effectivement, dans un contexte de maître-esclave, donc de créateur et d'être humain qui adore ses créations et ses créatures, c'est une expression de l'ego de l'homme de toute façon, on en arrive à une condition où on aura l'âme inférieure à l'homme, et l'âme pourra dominer l'homme, contrôler l'homme, diriger l'homme pour que l'homme sauve l'âme. Mais il faut comprendre que l'homme sauvant l'âme tue l'homme. Et évidemment, dans l'âme, il y a la mémoire de l'homme. Donc, lorsque l'âme elle est sauvée, lorsque l'âme va dans le monde de la mort, dans un monde relativement vibratoire qui va porter le nom de ciel, par exemple, de paradis d'Éden, etc., ben, l'âme, elle est sauve avec la mémoire de l'homme qui l'a sauvée. Mais l'homme, ben, l'homme, il n'est plus là. Et dans les processus de réincarnation pluralitaire, j'en ai suffisamment parlé lors des conférences sur la réincarnation, ben, on se rend compte qu'effectivement, l'homme qui a vécu ne se réincarne pas. Il y a la mémoire de l'homme qui a vécu qui se réincarne, mélangée à la mémoire d'autres personnes qui étaient en affinité vibratoire, ce qui a fait dire à la théologie que dans le monde de la mort, dans le ciel, on retrouvait ceux qu'on avait aimés et on les retrouvait pour l'éternité. C'est normal, on se fusionne à eux, et de 8 personnes, il n'y en a plus qu'une seule mélangée, et qui, pendant la phase de l'enfance, devront, à l'adolescence, fusionner ces personnalités réincarnatives pour arriver à créer une homogénéité d'ego, d'âme, qui pourra faire en sorte qu'un être humain pourra, une fois adulte, être un peu plus stable dans son évolution. Tandis que l'adolescent, il est calme, fou furieux, il est ceci, il est cela. Il y a une guerre de personnalités réincarnatives qui veulent prendre de dessus à un moment donné. Et normalement, il y a la fusion pendant l'adolescence. Alors, l'âme, ennemi de l'esprit, si l'homme s'identifie à l'âme, l'homme est l'ennemi de l'esprit. Et comme l'homme, c'est l'esprit, on peut presque dire que l'homme est l'ennemi de l'homme. Et c'est ce qui arrive. Pendant des milliers d'années, n'est-ce pas, on a prêché les bienfaits de l'âme. On a parlé d'une âme pure. Savez-vous ce que c'est qu'une âme pure? Une âme pure, ce n'est pas une âme serviable. C'est une âme qui laisse passer l'intelligence de l'esprit. Ça, c'est une âme pure. Une âme qui n'est pas colorée, donc le faisceau d'énergie, disons la lumière, dans les termes spirituels, traverse l'âme sans être déviée par l'âme. Une âme impure est une âme qui dévie le faisceau de l'esprit. Alors Adolf Hitler était peut-être un âme impure, il était peut-être un âme pure. Tout dépend de ce que l'esprit voulait faire. Mais l'être humain, lui, observe un homme, une femme, un enfant, et il va déterminer la pureté de son âme par rapport à ce que l'humain fait qui plaît à celui qui observe. Alors, un enfant qui a une âme pure est un enfant qui fait le ménage de sa chambre, un enfant qui rit toujours, un enfant qui va chercher nos cigarettes au magasin, un enfant qui fait nos commissions, un enfant, comme je dis souvent, un pur esclave. Ça, c'est un enfant qui a une âme pure. Un enfant qui dit « Va donc les chercher tout seul, tes maudites cigarettes! » Là, on se demande s'il y a une âme pure. Mais si l'intelligence passe à travers et qu'il t'envoie promener, il y a une âme pure. Par rapport à l'homme, par rapport à l'éducateur, par rapport au prêtre, par rapport au maître, au gourou, peut-être pas, dans l'apparence. Mais il se trouve que l'âme, si c'est quelque chose qui nous entoure, ben, quand on voit l'âme de quelqu'un, on la voit nécessairement au travers de la nôtre. Alors si son âme est impure, ben, faudrait savoir si l'impureté se trouve entre la limite de notre âme et nos yeux ou dans la sienne. C'est un peu comme l'aura. Ça, tu veux dire que l'âme, finalement, c'est quelque chose, c'est comme une mécanique. Ça m'apparaît comme une mécanique parce que tu parles de l'esprit qui vient, mais l'esprit, si elle vient, elle va se servir de l'âme? L'esprit a construit l'âme. L'esprit a construit le corps de l'homme. Il a construit la vie dans l'homme, donc le corps vital de l'homme. Il a construit le corps astral, donc l'âme de l'homme. Il a construit le corps mental de l'homme. Et nécessairement, un jour, il construira un troisième cerveau, un cerveau éthérique qui permettra à l'être humain d'arriver à un discernement entre ce qui est cartésien, scientifique, et ce qui est émotif, intuitif, théologien. L'homme ne vivra pas dans une voie du juste milieu, parce que la voie du juste milieu, c'est une idiotie, c'est une illusion totale. On n'y a pas de voie de juste milieu, n'est-ce pas? Vous voyez, le juste milieu, le verre, il est plein ou pas plein? Il est juste ce qu'il faut. Pour ceux qui ont l'habilité de boire. Bon, moi je la renverse avant. Qu'est-ce que c'est que la voie du juste milieu? La voie du juste milieu, ça veut dire pour un fumeur que quelqu'un qui fume un paquet par jour, c'est dans le juste milieu. Lui, il fume un paquet par jour. Celui qui fume une cigarette par jour, il va dire, ben non, le juste milieu, c'est une cigarette par jour. Et celui qui fume un carton par jour va dire, ben, c'est peut-être 5-6 paquets par jour, la voie du juste milieu. C'est quoi la voie du juste milieu dans la relation sexuelle? Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année. Ben, celui qui le fait une fois par année, il va trouver que ça a de l'allure. Hein? Mais celui qui le fait une fois par semaine, il va trouver qu'une fois par année, c'est pas mal con. Alors, la voie du juste milieu, c'est exactement la même chose que la confession à l'Église. Lorsque Bouddha a dit à l'homme, marchez dans la voie du juste milieu, ça veut dire marchez dans ce que vous pensez qui est le mieux, puis cassez-vous pas la tête. Ce sera ça la voie du juste milieu. Ni trop, ni trop peu. T'aimes le miel, prends-en pas trop, prends-en pas trop peu. T'aimes pas le miel, ben prends-en un petit peu une fois par vie, tu sais. Le juste milieu. Alors, l'être humain se fait continuellement manipuler par des mécanicités qui nourrissent son âme dans l'illusion de l'évolution de l'âme. Alors, il faut comprendre premièrement que l'âme, c'est de la mémoire, que l'âme, ça n'évolue pas, que l'âme, c'est mortel, c'est-à-dire que ce qui constitue l'âme est immortel, mais la forme exprimée par le constituant, cette forme-là, n'est pas immortelle. Tant qu'il y aura un monde de la mort, un ciel, un paradis, un nirvana, dans le contexte évolutif de notre planète, il y aura des âmes. Tant qu'il y aura des corps humains qui ne seront pas capables de supporter de l'intelligence, donc de l'esprit, donc de l'énergie supramentale, ben il y aura de l'âme. Parce que l'âme a la faculté de supporter un plan mental, qui a la faculté de supporter un plan supramental, donc un plan de l'esprit. L'esprit, ajusté par un ajusteur de pensée, informe le mental de certaines choses. Le mental, par le biais de l'ajusteur psychologique, l'intellect, informe l'âme de certaines choses. Et l'âme informe l'ego. Ce qui permet à l'être humain d'avoir une coloration extrêmement densifiée de ce que l'intelligence veut lui transmettre. Est-ce que l'âme ne serait pas une espèce d'ajusteur de l'énergie pour que ça s'ajuste à la capacité de la personne? Non, parce que la capacité de la personne est déterminée par deux paramètres. Le corps physique, la capacité qu'aura le cerveau et le système endocrinien de supporter un contact, et l'âme. Donc l'âme pourrait être là pour ajuster l'intelligence à elle-même, ce qui n'est pas nécessairement brillant. L'âme a une utilité, l'âme a eu une utilité, il y en a encore une chez quelques 4 milliards 700 millions d'individus. Maintenant, il y a quand même quelques 100 000 individus sur la planète Terre qui commencent à ne plus avoir besoin d'âme. Mais alors, c'est quoi le rôle exact de... On va premièrement parler de la non-évolution de l'âme, pour bien clarifier cela. Il y a une période de questions par la suite, alors ceux qui ne comprennent pas, vous posez vos questions ou vous amenez vos commentaires. L'âme, ça n'évolue pas, pour la simple raison qu'on peut le constater, il n'est pas question de philosophie ou de quoi que ce soit. L'âme, ça n'évolue pas. L'âme, ça empêche l'homme d'évoluer, même si ça lui a permis de rester jusqu'à aujourd'hui, où il pourra peut-être comprendre que l'âme, en fin de compte, est un ennemi. L'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est quelque chose qui arrive dans l'homme et qui apparemment permet à l'homme de discerner le bien et du mal. J'ai toujours expliqué que l'homme pouvait discerner le bien et du mal après l'avoir fait, mais jamais avant. L'homme n'a pas la faculté, tant qu'il est assujetti à un contexte mémoriel expérientiel, de discerner le bien et du mal avant de l'avoir fait. L'être humain qui a un contact avec son esprit, donc avec l'intelligence instantanée, ben évidemment peut discerner le bien et du mal avant. Le bien et du mal, l'écologique de l'inécologique. Là, ça arrête le bien et le mal. Ça ne dépend pas des concepts moraux, des concepts sociaux, ça ne dépend pas de l'homme. C'est écologique ou inécologique. Un jour, tuer quelqu'un est inécologique, c'est mal. Un autre jour, le tuer, c'est écologique, c'est bien. Mais ce n'est pas dans l'acte qu'on peut discerner le bien et le mal. C'est dans le contexte. C'est comme le mot « merde ». Ben, dans un contexte, c'est très mauvais. Hein? Mais dans un autre contexte, comme lorsque le médecin dit que tu es constipé, que tu devrais, etc., ben, c'est peut-être très bon. Lorsque le fermier parle de merde, c'est peut-être très bon. Il s'en sert pour engraisser les terres qui fabriquent la nourriture que vous mangez. Bon, donc dans un contexte, c'est mauvais. Dans un contexte, c'est bon. Ce n'est pas le mot qui est mauvais. Mais c'est bon toujours par rapport à quel plan? Parce que si c'est un plan égoïque... Non, c'est pas assez bon par rapport à un plan qui va être planétaire, disons limité national, limité provincial, limité territorial, mais dans un contexte écologique. Polluer, c'est négatif. Pourquoi? Parce que ça détruit un système écologique. Qui demandera plus d'énergie à la nature pour le reconstruire qu'il pourrait en demander à l'homme pour ne pas polluer. Donc, nécessairement, la pollution devient inécologique. Lorsque nous parlons de l'âme est là des raisons intelligentes d'être chez l'homme. Elle a des raisons intelligentes. C'est comme certains médicaments ont des raisons intelligentes d'être chez l'homme, mais à un moment donné, le médicament devient l'ennemi de l'homme. Souvent, on pense que l'âme évolue. Toutes nos traditions bibliques manipulées par les consciences amiques collectives ont instruit l'homme de sauver son âme, de nourrir l'âme, d'instruire l'âme, de purifier l'âme, etc. Le problème, c'est que les mécanismes qui régissent l'âme sont les mécanismes qui ont régi l'évolution de l'âme. L'apparente évolution de l'âme. Autrement dit, la majorité des livres sacrés sont des livres qui ont une coloration espritique, donc de l'intelligence, traduite par l'émotivité de l'âme qui a été en contact avec l'intelligence, et nécessairement, tous les écrits ont été traduits en fonction de l'âme et non pas en fonction de transmettre une réalité claire. Toujours en fonction de transmettre une coloration amique. L'âme évolue. Prenons l'exemple, prenons l'idée que l'âme évolue. L'âme évolue, alors Bouddha, là, 30 000 ans, par exemple, les premiers qui sont passés avant lui, là, 32 000 ans, ont amené des choses à l'humanité, et aujourd'hui, n'est-ce pas, 32 000 ans après, ça n'a rien changé. L'homme se bat toujours. L'Inde, qui a connu une évolution amique apparemment extraordinaire au niveau de toutes les doctrines orientales que nous avons importées. Ben, en Inde, présentement, ils se battent encore. Ils font sauter des avions. Ils ont des maudits problèmes. Puis ils ont l'air aussi barbares qu'ils étaient là, à l'époque de Bouddha. On a le passage du Nazaréen, là, 1980 quelques années. Et lorsque le Nazaréen est passé, il a instruit des choses intelligentes, qui ont été entendues par l'âme de l'homme. Et après 2000 ans, ben, on s'aime pas plus qu'avant. On se bat toujours autant. Quand c'est pas d'une guerre religieuse, c'est une guerre politique. Et par la suite, on revient à des guerres religieuses. On a eu les croisades. On a encore nos chrétiens qui se battent contre les protestants dans certains pays. On a encore ici les bons chrétiens qui massacrent autant de n'importe qui, ça dérange plus. Et on a donc un enseignement donné par un avatar, par le Nazaréen, par Yeshua ben Joseph, qui, en fin de compte, n'a apparemment servi à rien encore une fois. L'homme n'est pas changé. L'homme reste toujours aussi ébahi devant le message nazaréen que les premiers qui l'ont entendu. Alors, si on reste aussi ébahi, c'est qu'on n'a rien compris. C'est comme si on l'entendait pour la première fois. Alors, aimez-vous les uns les autres, c'est au bout. Je vais aimer tous ceux qui vont m'aimer comme je vais les aimer. Mais je ne pourrais pas arriver à aimer les autres. Pour la simple raison que l'amour de l'homme est un amour amique, est un amour sélectif, est un amour psychologique. Et ce n'est pas de l'amour intelligent. Et l'amour de l'homme, présentement, ne peut pas aimer ses ennemis. Il arrive à peine à s'aimer lui-même, alors aimer les autres comme lui-même, ça devient extrêmement compliqué. Il va préférer aimer les autres, pensant qu'aimant les autres, il s'aime. Mais lorsque plus personne veut de l'amour de la personne, elle se sent inutile, elle ne sait plus quoi faire, elle panique. À travers des milliers d'années d'apparente évolution de l'âme, il y a eu évolution, mais pas de l'âme. Il y a eu évolution du corps physique. Ce corps physique permet de soutenir une dose d'énergie plus puissante, celle de l'esprit. Mais c'est après, ça. Disons, à travers l'apparente évolution de l'âme, où on a eu, à un moment donné, on va triper, on va voyager, n'est-ce pas, dans les plans astraux, dans les plans spirituels ici. Triper, c'est le cas de le dire. C'est ça, c'est qu'on s'est trompé. On a identifié la chose qui évoluait comme étant l'âme, alors que c'était le corps qui évoluait. Le corps évolue et le corps est l'expression mémorielle qui supporte l'esprit. Certains vont dire le corps, c'est un véhicule. C'est pas un véhicule, le corps. Ouais, mais le corps, ça nous limite. T'sais, à un moment donné, on aimerait pas être pogné par le corps. Sachez une chose, c'est que le corps, il vous limite peut-être de temps en temps dans une explosion d'évolution. Mais quand l'être humain est fatigué, écœuré, c'est le corps qui l'empêche d'évoluer aussi rapidement qu'il aimerait évoluer. Tu ne peux pas évoluer si ton corps t'en empêche. Tu peux vivre une dépression énergétique, une dépression nerveuse. Tu peux vivre certains problèmes à un moment donné, mais l'être humain s'en remet. S'il s'en remet pas, regardez, le corps se détruit. Et si le corps se détruit, la mémoire qui contenait son degré d'évolution est en train d'être altérée. Alors l'humain dedans, bien évidemment, s'en va. Mais autant que le corps, tu voudrais dire à un moment donné, moi je suis toujours pris par mes problèmes sexuels. Hein, j'ai toujours le goût de, bon, alors je perds l'énergie, etc., etc. Mais voyez, c'est une évolution du corps. Si l'esprit arrive à s'exprimer dans le corps, pas le désir émotif de changer quelque chose. Le désir émotif, c'est un désir programmatif. Ça ne changera rien, ça. C'est pas de l'évolution, c'est même pas transmissible génétiquement. Donc, ce n'est pas de l'évolution à l'échelle humanitaire. Pas l'âme qui évolue. Si l'esprit arrive à induire une mutation dans le corps, ben le gars ou la fille avec ses problèmes sexuels n'en aura plus. Mais ça sera transmissible par le génétique et il n'aura pas besoin de passer sa vie à contrôler cela. Ça ne sera plus là. Si tu n'as plus un véhicule endocrinien permettant d'exprimer la peur chez toi, tu n'auras plus peur. Alors, tu ne seras pas courageux, tu n'auras plus peur. Mais tu ne connaîtras pas la peur. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire, l'âme, dans ça? L'âme, donc, on revient encore juste à comprendre l'idée que l'âme, ça n'évolue pas. L'âme, c'est quelque chose qui accumule de la mémoire. L'accumulation de la mémoire est l'accumulation d'énergie selon une forme particulière. Et l'être humain, dans son évolution amique, met plus d'importance à reconnaître la forme mémorisée que l'énergie constituant la forme. Alors, étant donné que nous prenons plus d'intérêt, on pourrait dire, à manger une belle pomme qu'à manger une pomme nutritive, donc on se fout de l'énergie de la pomme, on regarde l'esthétique, dans quelle forme elle est présentée. Je me rappelle du bon vieux temps. C'est l'énergie qui te permet de t'en rappeler qui est importante, pas le bon vieux temps. T'sais, le bon, c'est faux. Hein? Dans ce temps-là, tu broyais. Maintenant que c'est passé, c'est le bon vieux temps parce que c'est sécuritaire, c'est connu chez toi. C'est le bon vieux temps. Vieux, parce que ça n'existe plus aujourd'hui, et l'humain revit ses énergies à un moment donné au lieu de vivre le réel. L'énergie accumulée dans l'âme est importante. Elle va permettre à un moment donné à l'être humain de pouvoir constituer un canal qui pourra lui l'amener à la création d'un double éthérique qui va lui permettre de supporter sa mort physique sans avoir à pénétrer le ciel, sans avoir à pénétrer le monde de la mort par la suite. Et de ce fait, il aura pour la première fois le privilège d'une réincarnation individuelle où à la naissance, il se rappellera ce qu'il a été. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une conférence sur Vive à sa mort. Puis on va y revenir aussi. S'il y a des questions, vous ne vous gênez pas. L'âme, donc, n'évolue pas, mais elle a une utilité intelligente. Elle accumule de la mémoire et l'être humain a longtemps, et d'ailleurs pense encore, que l'évolution peut être calculable selon ce que tu as en mémoire. Exemple, le sage. Un sage, c'est quelqu'un d'âgé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc qui a beaucoup de mémoire, qui a vécu beaucoup de choses et qui a accumulé beaucoup de mémoires, et par la suite, ces mémoires, légiférées par son mental ou son intellect, donnent l'illusion de sagesse, de savoir. Alors, on va voir le sage et on va lui dire, j'ai le goût de me marier avec telle personne, et le sage pourra répondre, bon, lavez-vous le sous des bras, bon. Sauf que si on dit au sage, présentement, il y a telle chose neuve qui arrive, mais le sage ne pourra pas répondre si c'est quelque chose de neuf. Il n'a pas le savoir, il n'a pas l'intelligence instantanée, il n'a pas de contact avec son esprit, il ne vit que dans sa mémoire astrale, qui n'a pas évolué, mais qui a accumulé de la mémoire. Ou encore, il va simplement colorer la nouvelle chose en utilisant des choses du passé. S'il est bien orgueilleux et bien snob, il va s'amuser à faire des choses comme ça. Bon, alors ce qu'il faut donc comprendre, et ça, ce n'est pas, encore une fois, je ne vous dis pas de me croire, je vous dis d'observer. Hein? Un jour, on m'a posé une question, comment se fait-il qu'après le passage de tous les avatars qu'on a eus, que l'humain soit encore aux portes d'une guerre nucléaire, d'une guerre mondiale. Ben là, j'expliquais, n'est-ce pas, que l'âme n'évoluant pas, et que c'est l'âme qui détermine toute la démarche apparemment évolutive sur la planète Terre. J'ai peur des Russes, c'est une question d'âme, hein? On a peur à l'intérieur de notre âme, c'est émotif, l'émotion naît de l'âme, alors nécessairement l'âme manipulant l'intellect crée des armes, et à un moment donné, celui qui aura le plus peur se défendra le premier. Alors, c'est un problème. L'âme n'a pas évolué. Le corps de l'âme a évolué. Bouddha avait aussi peur de la vie que vous avez peur de la vie. Sauf que Bouddha avait un corps physique qui lui permettait d'entrer en contact avec un peu plus d'esprit et laisser cet esprit s'exprimer parce qu'il n'avait pas une âme trop colorée. Le Nazaréen, c'était le même phénomène. Dans l'Antiquité, les humains avaient souvent des songes, des contacts avec l'esprit, mais plus l'être humain évolue, plus il accumule de la mémoire facilement. Léonard de Vinci, à 84 ans, n'avait pas la connaissance mémorielle qu'un enfant de 12 ans peut avoir aujourd'hui. Donc, évidemment, à 12 ans, Léonard de Vinci pouvait laisser passer plus d'esprit que l'enfant aujourd'hui de 12 ans. Parce que l'enfant aujourd'hui de 12 ans a tellement de mémoire dans l'âme que s'il fait référence à ses mémoires, ben l'esprit descend, puis l'enfant dit « Un instant, tu me dis ça, moi, vérifier voir. » Léonard de Vinci, « Tu me dis ça, moi, vérifier, il n'y a rien à faire, il n'y avait rien à vérifier. » Fait que ça sortait. Alors, il a inventé un paquet de choses. Il a simplement exprimé des choses. Un paquet de conneries pour l'époque. Puis aujourd'hui, ben, évidemment, on est au-delà de tout ça. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que l'âme, ça ne sert à rien de vouloir instruire l'âme d'un individu, de vouloir instruire l'ego d'un individu, dans le sens de faire évoluer son âme. On ne fait pas évoluer un âme, on programme un âme. Si je dis à quelqu'un, les Russes sont pas mauvais, personne va me dire, oh! Bon, si je lui répète, et si je lui amène des arguments, et si je lui montre des photos, et si je l'amène en URSS dans des régions touristiques, n'est-ce pas? Ben, quand il va revenir, il va dire, c'est peut-être vrai que les Russes sont pas dangereux. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Pas une évolution, une programmation. Là, il a reçu des données lui permettant de constater que peut-être il n'était pas mauvais. Ce n'est pas de l'évolution. Ce n'est pas de l'évolution. La journée qu'un Russe frappe son chien ou frappe son enfant, ben là, il changera au complet. L'âme n'a pas changé. Elle a reçu une programmation qui permet à l'humain aujourd'hui d'avoir l'illusion d'être plus évolué que dans l'Antiquité pour la simple raison que l'humain peut avoir plus d'informations mémorielles que jamais l'homme a pu en avoir dans l'Antiquité. L'âme n'évolue pas. L'âme, elle va servir de véhicule qui peut tamponner l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a le corps physique, il y a le corps vital qui est la vie, qui est l'énergie intra-atomique permettant aux molécules et aux atomes de conserver une forme particulière et de ne pas se dégrader dans la forme. C'est ce qui maintient, ce sont les liaisons covalentes, ioniques, les liaisons moléculaires qui retiennent la matière dans une forme mémorielle. Si l'énergie vitale est plus avancée, la forme mémorielle sera plus grande que la matière même, et cette forme pourra ramasser des éléments extérieurs, les assujettir et les transformer. Donc, c'est une forme mémorielle qui peut permettre la croissance chez les plantes, chez les animaux et chez les hommes. L'homme a une autre faculté au niveau du plan vital, c'est qu'il peut programmer, c'est-à-dire qu'il peut créer des isotopes, créer des différences au niveau de la construction atomique de ses neurones et de certains autres schémas cellulaires chez lui, ce qui lui permet donc d'engendrer une évolution améliorative et mutatoire de son corps physique, ce qui va lui permettre, là, d'évoluer. Mais à travers cela, il y a l'âme. L'âme, elle a la faculté d'être placée entre l'esprit et le corps physique. L'esprit ne peut pas toucher au corps physique parce que ou bien il descend au niveau du corps physique, donc l'esprit n'est plus intelligent, ou bien il fait sauter le corps physique. L'âme vient se placer entre les deux. L'âme, c'est la coloration mémorielle de cet esprit, adaptée au corps vital et au corps de l'homme, ce qui fait que l'homme a donc une mémoire. Il a donc, par cette mémoire, une conscience de qui il est. Celui qui perd totalement la mémoire, ben demande ici pas qui il est. Il va dire... je sais plus. Donnez une claque d'en face, il vous donne... comprendra pas. Bon, quand il aura passé un ou deux ans après cette perte de mémoire, ben là, il réapprendra que paf, c'est une insulte, puis quand on est insulté, on devrait paf, nous aussi. Donc, il va apprendre à être programmé, on rebâtit son âme. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on fait un lavage de cerveau, on lave pas le cerveau. Hein? On élimine toutes les programmations mémorielles dans l'âme et on les restructure par la suite. Donc, notre bonhomme, notre bonne femme qui a été lavée, ben, elle se croit un bon citoyen américain ou soviétique, alors qu'avant, c'était l'inverse. Et puis, elle peut s'en aller quelque part et puis assassiner Robert Kennedy, par exemple. C'est un Américain qui est né là, oui, mais qui a passé un bout de temps en URSS et puis qui aura pu être programmé, par exemple. D'ailleurs, les Américains ont déjà fait la même chose qu'autre chose. Alors, la personne, elle est convaincue qu'elle fait bien, puis à un moment donné, ben, l'âme programmée agit. Elle n'est pas mauvaise. Un exemple particulier, on parle souvent de la peine de mort ces temps-ci. Ben, la pire chose à faire, c'est de reconnaître la peine de mort. J'ai expliqué ben, des choses à un moment donné. Je le contourne rapidement parce que la peine de mort, c'est un problème, ça a rapport à l'âme, évidemment. C'est que lorsque l'on tue quelqu'un qui, dans sa mémoire amique, a cette mémoire que nous détestons, celle du viol, du meurtre, ces choses-là. Le tuant, l'âme, s'en va dans les plans purgatoriels et il va donc nourrir le monde de la mort un peu plus bas, qui est quand même une partie du ciel. Le ciel, évidemment, est divisé en plusieurs niveaux. Et nourrissant cela, ça permet à des entités qui vont se réincarner de se réincarner avec le bagage mémoriel de ces individus. Donc, on règle le problème pour l'instant et on le retransmet dans l'avenir. Si la personne reste en prison à vie, je ne dis pas que humainement c'est mieux, on se fout d'humainement, on parle d'un principe cosmique mécanique. Si elle reste en prison à vie, ben l'âme aura le temps de la l'âme qui se mélange avec d'autres criminels, qui à un moment donné, par l'attraction d'un corps qui veut naître, à travers ce qui descend, il y a cela qui descend aussi dedans, parce que c'est une réincarnation pluralitaire. L'enfant devra fusionner ça à l'adolescence, mais là, c'est qui va gagner, on ne sait pas. Donc, lentement, on retranspose les criminels dans l'avenir, simplement parce qu'on les élimine sur le plan planétaire, parce qu'on ne veut pas prendre notre responsabilité, celle de reprogrammer convenablement ces âmes. Et quand on parle de reprogrammer, on peut prendre un terme plus facile à digérer, ben, les éduquer. Hein? C'est la même chose. Bon. L'âme a donc besoin d'une âme parce que l'âme permet la construction d'un égo. L'égo permet la construction d'un mécanisme de désir. Le désir permet l'expression de l'âme par le biais du corps dans l'extérieur. Je désire du Kool-Aid. Je désire ceci, je désire cela. Donc, l'âme s'exprime. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la chose et elle a besoin de se réénergiser en mémoire. Donc, elle a besoin de boire du Kool-Aid, de revoir la même fille ou le même gars. Elle a besoin de faire le même voyage. Elle a besoin de décorer sa maison, de se sentir bien en sécurité dedans. Elle a besoin de ces choses, l'âme. Et lorsque l'âme a un ego qui désire, dans ce désir, il y a toujours de la désillusion. On n'a pas ce que l'âme veut. L'homme est souvent frustré dans sa vie. Étant frustré, il induit le corps mental, le corps intellect, qui va lui essayer de légiférer sur ses mémoires. Alors l'âme va dire « je veux ça ». Elle va dire au corps mental, c'est-à-dire qu'elle va dire à une particularité de ce qu'elle va créer, ben, « prends l'expérience mémorielle que j'ai, sans l'émotion, puis démerde-toi pour me donner ce que je veux. T'as peur? J'ai peur. Fait que bâtis-moi des armes. » Fait que là, la personne qui a peur, à un moment donné, elle n'a plus peur. Elle travaille pour les armes, elle cherche ceci, elle bâtit cela, elle calcule. Puis à un moment donné, elle va se coucher, puis Là, l'ego est content. Et là, ça va bien. T'sais, tu vas te coucher dans le bois pour la première fois, soudainement, tu y penses, merde, j'ai mon fusil. Oui, voilà. C'est que l'ego avait peur, et lentement, l'intellect cherche, pouf, fusil dans la valise d'auto. Et là, l'ego reprend le dessus tout de suite, prend le fusil, puis là, on est bien. Et bien, d'un coup, pouf, pas de cartouche. Oh! Là, tu prends ton fusil pareil, quand tu marches tough. Mais en même temps, tu espères qu'il n'y aura pas de nounours ou de quelque chose comme ça qui va apparaître. Puis à un moment donné, ben là, tu y penses, cartouche, oui, il y en a dans la poche. Ah! Oh, amenez-moi n'importe quel dinosaure! Ça va bien aller. Cartouche mouillée, laissez faire les dinosaures. Commencez par les écureuils. Alors, l'être humain fonctionne, désir, peur, l'intellect essaie de légiférer là-dessus. Lorsque l'intellect n'est pas capable, l'ego est en panique ou l'ego est trop manipulé par ses émotions. Sauf que l'intellect arrive lentement à prendre un potentiel énergétique qui devient un corps mental. Ce corps mental entre en contact avec l'esprit. Et lorsque l'esprit, par le biais du mental, par l'ajusteur de pensée, par le biais du mental, commence à travailler le corps physique de l'homme, l'être humain rentre dans une phase d'évolution qu'il n'a jamais connue. Et l'humain va dire « Ouais, mais j'ai pas l'impression que j'évolue. C'est pas ton âme qui évolue. Ouais, mais je suis plus malade. » Ouais, quand le corps subit une mutation, l'âme résiste, l'âme résistant s'imbrique dans le corps physique et peut facilement altérer le corps. Sauf que l'être humain doit comprendre que qu'est-ce qui fait une des preuves que l'homme évolue? La longévité du corps. Plus le corps physique devient intéressant pour l'âme qui est en train de le muter, plus le corps physique va vivre longtemps. Puis à un moment donné, le corps s'en va. Normalement, après avoir reproduit, parce qu'évidemment, ce qu'on arrive à faire en évolution dans le corps de la matière, bien, on doit le transmettre, n'est-ce pas? Parce que l'homme ne meurt pas. J'ai expliqué souvent dans les conférences spéciales que je donne à ceux qui ont fait le séminaire. L'homme meurt parce qu'il a de l'âme. L'homme meurt parce qu'il a trop d'ego. Lorsque l'homme a un mental suffisamment avancé pour entrer en contact avec l'esprit, et que lorsque l'homme n'a pas d'ego, lorsque l'homme est suffisamment anégoïsé, ben, il ne meurt pas. Pourquoi l'homme meurt? Il vient un temps où l'être humain se prend tellement au sérieux qu'il refuse tout changement. Refusant tout changement, il refuse donc toute forme d'évolution. S'il refuse toute forme d'évolution, son corps ne peut plus être changé. Et si son corps ne peut plus être changé, ce corps ne sert plus à rien pour l'esprit. Alors, nécessairement, le corps, ben, bye-bye. Puis là, l'âme, il se ramasse dans le plan moronciel, où il tripe un peu, puis là, il voit du monde arriver, du monde de la mort qui viennent le chercher, des mémoires lumineuses. Puis là, l'âme sécure s'en va là-dedans, puis il se fait encore fourrer. Bon, il meurt. Il rentre dans le monde de la mort. Le corps physique, ben, il y a eu des transmissions génétiques, la reprocréation, et à un moment donné, ben, ces choses-là reviennent dans un corps qui est simplement plus avancé. L'âme, ennemi de l'esprit? Oui. Pourquoi? Lorsqu'à un moment donné, l'âme amique, décide d'évoluer. C'est qu'il vient de prendre conscience qu'il évoluait. Celui qui est convaincu qu'il n'évolue pas ne décide jamais d'évoluer. Allez pas voir quelqu'un qui est en prison, qui est tout défaite, ou un drogué qui est tout perdu, ou quelqu'un qui pensait qu'il a l'argent, puis dites-lui, « Hey, ça ne te tenterait pas d'évoluer. » Mais à un moment donné, il se couche, puis soudainement, il arrive quelque chose. Là, il a vu quelque chose dans un rêve, une lumière ou une soucoupe volante ou je sais pas trop quoi. Il y a des traces d'atterrissage dans son lit. Là, il va lire. Il dit, j'ai décidé de m'intéresser à... Non. Il a assez peur qu'il décide de se rassurer. Pas décidé. Alors là, à un moment donné, là, il va à une conférence, il voit une émission de télévision sur quelque chose, sur le corps habituellement. Hein? Parce que c'est le corps qui est plus évolué dans ces choses-là. Et puis, à un moment donné, ben là, son, il demande « T'évolues-tu toi? » Il va dire oui. Il n'a pas décidé d'évoluer. Il se rend compte qu'il pousse au cul. L'âme, pour se sécuriser, commence une recherche instructive où elle devra apprendre ce que c'est que le monde de la mort, où elle devra connaître pas Agatha Christie, mais Alice Bailey. Similaire un peu. Et elle devra apprendre plusieurs choses. Pour se sécuriser, elle parlera de réincarnation, elle cherchera ceci, elle cherchera cela. Et cette démarche est absolument essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle instruit l'âme que ce qui cogne à sa porte, ça existe. Puis que quand tu n'auras plus peur de ce qui cogne à ta porte, ben tu vas peut-être la ouvrir, ta porte. Mais quand tu vas ouvrir ta porte, c'est là que rentre l'ajusteur de pensée. Il ajuste les choses comme un diaphragme de photo. Lorsque la porte va s'ouvrir, ce ne sera pas toi qui vas décider. Tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu, puis tu meurs. Là où tu pries Dieu, il prie Dieu, d'un coup, pouf, il y a d'élimination. Il n'a pas prié mieux, il n'a pas donné le bon biscuit, sauf que lui, biologiquement, neuroniquement et amiquement, ben, il était simplement bien construit à un moment donné, puis l'esprit a traversé. Qu'est-ce qui arrive dans un homme amique? Lorsque l'esprit traverse, l'âme est gonflée, l'âme est contente, l'âme jouit, l'âme tripe, l'âme s'amuse, puis évidemment, elle coupe le contact. Alors, on a certains saints, c'est pas des personnes qui ont été apparemment sanctifiées, qui ont eu certains contacts. Mais pourquoi ils n'en ont pas 24 heures sur 24, tout le temps? Parce qu'ils sont contents d'avoir ce contact. Comme ils vont dire eux-mêmes, « Je n'en demande pas plus de Dieu. » C'est beau d'être orgueilleux. Je n'en demande pas plus de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, lorsqu'elle a un peu de coloration, elle est convaincue qu'elle vient d'être béatifiée. Elle le sent en mémoire. D'où? Et le contact est drôlement plus important que la mémoire du contact. Mais l'homme s'identifiant à son âme se satisfait de ce contact. Moi, si j'ai une idée géniale dans ma vie là, qui me permet de, là, va être bien correct. Je trouve pas. Moi, il me semble que des idées géniales 24 heures sur 24, quand c'est nécessaire qu'elles apparaissent, ça devient intéressant. Pas une fois dans ta vie. Alors, l'être humain, donc, vit de son concept et de son contexte mémoriel, l'âme, qui apparemment, et on peut le constater, je dis apparemment pour ceux qui n'auraient pas encore supporté l'idée que j'ai amenée tout à l'heure, n'évolue pas. L'âme, effectivement, n'évolue pas. Alors, on va dire, oui, mais quand une personne, à un moment donné, change, oui, la programmation de l'âme a changé. Hein? Pourquoi un enfant voulons-nous l'éduquer si, de toute façon, l'âme n'est pas programmée? Si l'âme ne peut pas être programmée, à quoi sert l'éducation? Oui, bon, il faut bien qu'il apprenne les bonnes manières. Oui, mais si l'âme évolue, laissez-la, elle va évoluer. Mais on ne fait pas évoluer une âme à coup de punition et de récompense. Pourtant, si un enfant est éduqué dans un certain cadre, ben, il aura une expression amique tout à fait différente de celui qui est éduqué dans un autre cadre. Et ce n'est pas question de coloration, de pureté de l'âme ou non. C'est question simplement de programmation dans l'âme. Tu as appris à aimer les chats, tu as appris à détester les chats, ben nécessairement, vous serez deux ennemis. Alors, il y a, dans le processus réincarnatif, évidemment, une coloration qui provient des mémoires du monde de la mort qui vont évidemment entacher ce que sera l'âme. Sauf que l'évolution, il faut bien comprendre qu'un criminel de guerre, hein, on en parle ces temps-ci, peut évoluer autant qu'un de nos saints qui a été béatifié à un moment donné. La question, elle est, premièrement, au niveau de l'efficacité dans le monde matériel, au niveau de la génétique et au niveau, surtout, de la faculté qu'a l'homme de se sortir de pièges neufs et d'accepter les choses neuves. Quel est le degré d'évolution d'un humain? Comment on peut le constater? Pas à partir de savoir s'il sauve les grenouilles et puis s'il porte les sacs des personnes âgées lorsqu'il sort du Stamberg. Mais non, il peut avoir été programmé à faire cela. C'est comme celui qui se donne aux autres. Oui, il a appris à se donner aux autres. Il ne l'a pas décidé. Il l'a lu, il l'a appris, il a compris que c'était mieux pour les autres. Bon, et les autres sont contents. Bon, et c'est une programmation. Mais prenez n'importe quel humain. Amenez-le devant quelque chose de neuf. Ça peut être un concept, une idée. Ça peut être un événement neuf. Et regardons de quelle façon il va accepter le neuf. Et là, on aura l'idée de l'évolution de l'humain. Et ça ne dépend pas de l'âme. Plus on a un âme qui a de la sagesse, plus on risque d'être carrément frustré devant le neuf. Parce que l'âme ne refusera pas du neuf, alors qu'elle a passé sa vie à ramasser tellement de vieux qu'elle finit par se dire « Je crois qu'en moi est résumé tous les événements de ce monde. Alors, lorsqu'il y a un problème, vous venez me voir et je vais vous dire ce qu'il faut faire. » Puis un jour, on vient voir le maître et on lui dit « Là, il y a trois succubes volantes qui ont atterri à Washington. » Et le maître va dire « Illusion! » Oh, il n'en veut pas de succubes volantes, lui. Il n'a jamais vu. Alors, il va dire à l'homme « Non, non, non, ce sont ceci, ce sont ceux-là, ce sont ceux-là. » Mais il ne pourra pas accepter le vrai, le neuf. On va lui dire à un moment donné « Une nouvelle maladie est apparue. » Il va dire « C'est normal. » Il a vu ça souvent. Là, on va lui dire « C'est le sida. » Puis les premiers symptômes, c'est ce que tu as sur le bout du nez. Le sage va t'en trouver des raisons pour expliquer ce qu'il y a sur le bout du nez. Mais ce ne sera pas le sida. Et ça ne pourra pas être le sida. Il est sage. Alors, on a énormément de personnes, des maîtres, des gourous, hein, qui sont extrêmement bien. Et puis, lorsque l'on me pose des questions de temps en temps, je leur dis, ben, mettez-les au défi. Et ne mettez jamais en colère un maître ou un gourou. Qu'ils proviennent du monde de la mort, dans vos rêves ou dans un corps matériel, parce que vous allez voir que la colère de quelqu'un comme ça est une colère comme vous en avez rarement vue. Lorsqu'on arrive à déjouer toute la sécurité d'un ego, ben ce qui reste en dessous, ça fait partie de l'âme. Mais là, il reste rien que ça à s'exprimer. Fait que si tu comprends pas la paix et l'amour, par l'amour et la paix, on te l'expliquera par la guerre. Et c'est toujours ce qui s'est passé. L'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit, on en a parlé la semaine dernière, on en a parlé souvent et on va y revenir. C'est de l'intelligence instantanée. C'est une intelligence qui n'est pas tributaire du contexte mémoriel ou expérientiel de l'homme. C'est une intelligence qui n'a pas besoin d'être apprise pour servir. Cela veut dire que l'être humain sait, et c'est la seule loi qui régit présentement l'expression de l'intelligence instantanée, donc du plan supramental, donc de l'esprit dans le contexte matériel de l'homme, la seule loi, c'est que l'intelligence instantanée donne à l'homme ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Cela, premièrement, veut bien dire que ça ne dépend pas de ce que l'homme demande. L'homme dit, j'ai soif, dis-moi où il y a de l'eau. Puis l'intelligence s'en vient simplement transformer certains neurones, là, puis on organise des choses, le corps mourra pas, puis c'est bon que l'ego apprenne que c'est pas lui qui mène, c'est l'anégoïsme, fait qu'il continue à avoir soif. Là, à un moment donné, un gros bourdonnement dans une oreille, le cerveau enregistre certains phénomènes mutatoires, l'ego va dire, tiens, quelqu'un pense à moi. Non, non, on s'occupe de toi. Puis à un moment donné, ça s'en va. Puis là, t'as toujours soif, toi, là. Fait que là, tu peux mettre des cailloux, allumer des cierges. Dans le désert, c'est pas recommandé, il fait déjà assez chaud. Et puis, tu peux demander de l'eau. Non, s'il n'y a pas intelligence encore, est-ce que l'être humain ait de l'eau, il n'y aura pas d'eau. Puis à un moment donné, ben là, l'humain va avoir le feeling, l'intuition, parce que là, c'est le temps qu'il y ait de l'eau, qu'il y a de l'eau en dessous de tes pieds. Ou ben non, là-bas, ou là-bas. Puis là, évidemment, l'ego le sait, et puis l'ego fouille dans ses mémoires, puis il se dit, je connais pas le désert, moi, je peux pas savoir de l'eau, là. Fait qu'il creusera pas, parce que c'est ben trop niaiseux. Le chameau creuse, il trouve. L'homme meurt. Alors, l'être humain a donc un âme qui lui permet de supporter l'ignorance de sa condition, parce que sans l'âme, l'homme n'est rien, évidemment. L'âme a besoin de l'âme. L'âme grossit, elle crée l'ego. L'ego grossit l'âme et grossit lui-même, créant le contexte intellectuel. Le contexte intellectuel sert l'ego. Lorsqu'à un moment donné, l'intellect est suffisamment en action, il devient mental. Donc, il se sépare du plan émotif de l'ego. Il n'est donc plus manipulable par l'ego. Et là, l'âme souffre. Puis à un moment donné, l'être humain découvre dans son mental qu'il est con dans son âme. Je le sais qu'il ne faut pas le faire, mais je le fais encore. Eh ouais, le mental découvre que c'est inécologique, puis le mental découvre que l'âme le fait encore. Et l'âme, sachant que le mental sait, et l'âme pensant que quand le mental sait, c'est elle qui sait, l'âme se dit, je sais que je ne dois pas le faire, mais je le fais encore. Ce qui engendre une souffrance dans l'âme, et ce qui engendre une souffrance dans le plan mental. Lorsque l'être humain arrive à discerner, il se rend compte qu'il fait encore des sottises, puis que c'est normal, le temps va arranger les choses. Ouais, mais ça fait 10 ans. Voyons donc. Dieu n'a même pas le temps de cligner une paupière en 10 ans. Mais c'est pas long. Ouais, mais vas-tu mourir de même? Ça, te regarde pas. Tu vas mourir comme tu vas mourir. Peut-être que tu mourras pas non plus. Mais le temps que l'être humain se met de l'énergie à se demander comment il va être dans 10 ans, ben il passe 10 ans à se le demander. Fait qu'il change pas grand-chose. Il y a des mutations qui se changent, mais bien souvent, l'âme ne sait pas à quel point le corps est évolué et l'âme ne sait pas à quel point l'intelligence, l'esprit s'exprime par le corps. Il y a beaucoup d'individus, à un moment donné, qui rencontrent quelqu'un et qui vont dire, il me semble, tu sais, elle a toujours les réponses. Fait qu'elle s'en va, convaincue que l'autre a toujours les réponses. Elle aussi, elle pourrait savoir les réponses, mais elle a appris que c'est l'autre qui les avait. Mais l'autre, elle donne les réponses. Mais quand elle a des problèmes, elle est pognée comme tout le monde. Eh oui. Parce que l'âme ne sait pas à quel point elle pourrait exprimer de l'intelligence. L'âme se prend au sérieux. La personne, lorsqu'elle a un problème, elle se dynamise dans son problème et elle coupe les contacts. Quand c'est le problème d'un autre, ben t'es pas pogné dedans. Vu que t'es pas pogné dedans, ton âme est plus libre. Puis là, tu t'expliques le problème des autres. Mais quand c'est le tien, plus capable. Tu te prends trop au sérieux. Alors, l'âme devient donc, dans cet état, dans la majorité des conditions humaines, l'ennemi de l'esprit. L'esprit vient dire, il serait opportun, bon, ça dit pas ça comme ça, là, de faire, ben, dis pas plus, l'âme s'exprime déjà, wow! Ouais, j'ai eu de la lumière, j'ai, wow! Hey, quand tu connais ça, tu vas te triper! Ben non, simplement, Dieu m'a parlé! Il parle-tu encore? Non, mais il m'a parlé! Je suis un élu! Ben non, ben non, ben non! S'il te parle encore, t'es peut-être un élu. Il n'y a pas d'élection dans le ciel, ni dans les cieux. Mais l'être humain qui, à un moment donné, reçoit un peu d'intelligence est tellement en jouissance au niveau de son âme qu'il coupe les contacts. Tu t'en vas quelque part, tu es perdu dans le parc des Laurentides en plein hiver, et puis tu as faim, puis tu as froid, et puis etc. Le taux est tombé dans un petit précipice après avoir frappé une orignale. Les autopatrouilles de la sûreté passent en haut, puis ne te voient pas. Puis à un moment donné, ben là, il fait noir, puis tu marches un peu dans la neige, tu trouves plus la route, et puis là, tu trouves que tu vas mourir. Et puis tu t'en fous. Le froid t'a juste suffisamment baissé les vibrations de ton âme que tu peux plus triper trop fort là-dessus. Puis à un moment donné, tu trouves une petite grotte. Tu t'installes dedans. Et puis, tu découvres des petites choses. Et puis, tu peux commencer à faire des cossins. Parce qu'il y en a qui s'en sortent. C'est tout à fait impossible. C'est des miracles. Mais non, ils ont juste suivi. Ils sont foutus. À un moment donné, ça les dérange plus de mourir. Puis, ils trouvent un chalet. Puis là, il y a une truie là-dedans. Hein, une truie, c'est un poêle. Hein? Pour ceux qui ne sont pas habitués, là. Bon. Et puis là, ils mettent le feu après la truie. Mais dans la truie. Et puis, ils trouvent des conserves. Et puis ça, on peut en lire plein dans la sélection du Reader Digest. On en a plein. Ou on a des personnes qui, à un moment donné, ben, font tout ce qui doit être fait et puis s'en sortent. On coupe un orteil ou deux, peut-être, puis pas tout le temps. Puis ça va bien. Tandis qu'il y en a d'autres qui se perdent dans leur cours puis qui meurent dedans. Ben, l'humain, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais je le savais pas, moi. L'autre non plus. Mais il y en a un qui s'en tire vivant puis l'autre qui meurt. Alors, je ne savais pas, non, mais cesse de te casser la tête, puis à un moment donné, commence à suivre ton intuition. Commence à cesser de lutter contre le savoir instantané. Oui, mais je ne connais pas la place, c'est pas une raison. Pour l'âme, c'est une raison, l'âme est mémorielle. La place, je ne l'ai pas en mémoire, donc je ne peux pas rien faire. Raison de plus, fermez ta grand gueule. Puis là, à un moment donné, ben marche. Par où? Pose pas de questions, conne, marche. Observe juste les choses, puis marche. Et à un moment donné, ben, t'arrives quelque part, puis tu t'en sors. Il y en a, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont réussi à traverser 3 pays, 3 frontières sans rien connaître. Ils n'ont pas marché de même, ils ont traversé les pays. Puis ils ont traversé là où les Allemands, ou les Italiens, ou les alliés allemands dormaient, ou n'étaient pas là. Puis ils n'ont jamais eu de problème. Puis il y en a d'autres, il a fallu qu'on leur bâtisse un réseau complet pour les sortir de là. Puis même là, il y en a moitié qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Alors, il y a celui qui est égoïquement convaincu, qui est amicalement convaincu que c'est lui qui mène le jeu. Puis il y a celui, à un moment donné, qui se dit « Bon, ben là, il n'y a plus rien à perdre. » Fait que... Puis ça fonctionne. L'être humain doit être suffisamment égoïsé, avoir un corps mental développé, pour qu'après ça, il s'en égoïse. Et là, l'âme cesse d'être l'ennemi de l'esprit. Puis l'esprit commence à s'exprimer. Mais lorsque l'esprit s'exprime, c'est bon que l'âme ait été avertie, parce que l'âme est présentement ce qui domine l'homme. Donc, l'âme a besoin d'être au courant. Parce que si l'âme n'est pas au courant, elle te coupe. Celui qui apprend que la télékinésie, les mouvements d'objets à distance, ça existe, s'il apprend que ça existe, puis s'il apprend en même temps, parce que celui, quand un professeur ou quand quelqu'un instruit quelqu'un que ça existe, il l'instruit en même temps que ça existe, mais que toi, tu ne pourras pas le faire. Ben, ça frustre en maudit pour celui qui l'écrit dans un livre de se rendre compte que lui, il le fait pas, mais que ceux qui lisent son livre le font. Bon. Il faut avoir un don. Ouais, quelque chose dans le genre, tu sais. Normalement, un don, c'est un don donné par un pied. Un coup de pied. Ça engendre souvent des dons. Alors, à un moment donné, la personne qui se pratique, n'est-ce pas, puis qui est convaincue qu'elle peut le faire, ben, si ça marche, si elle était humblement convaincue, elle va dire, bon, ça a marché. C'est au bout. Mais celui qui était égoïquement convaincu, si ça marche, il grimpe au plafond. Il court partout le dire à tout le monde, puis normalement, ça ne marche plus. Le contact est coupé. Ou bien, il perd connaissance, il panique carrément, puis après ça, ben là, il se couche la nuit, là, puis son âme fait en sorte que les choses se promènent encore par le biais de l'interpréteur actionnel. La personne, elle reste paniquée tout le temps, elle pense qu'elle est possédée, bon, etc. Il y a plein de choses qui se passent à un moment donné qui sont causées par une personne qui se prend au sérieux. L'âme, c'est essentiel, c'est utile, intelligent. L'âme n'est pas intelligente, mais sa présence est intelligente. C'est important. Sauf qu'à un moment donné, et ça, j'expliquais souvent que c'est comme quand on bâtit une bâtisse, on fait une charpente. La charpente est essentielle. Tu ne bâtis pas de tour sans charpente. Mais lorsque la tour est finie, ben la charpente, elle doit dégringoler, elle doit s'en aller. Mais la charpente finit par dire, non, la bâtisse, c'est moi qui suis le mur. S'il n'y a plus moi, il n'y a plus de bâtisse. Ça a été vrai tout le long, tout le temps de la construction. Ce n'est plus vrai. Mais la tour, elle, ne sait pas, elle vient d'apparaître, elle, hein? Ça, c'est l'homme mental, et qui a un contact un peu avec l'intelligence, mais lui, il ne peut pas dire que sans charpente, il ne tombera pas. Alors, il laisse faire, il ne s'astine pas trop. Puis la charpente, elle a tout ce qu'il faut en mémoire pour prouver que sans elle, il n'y aurait pas de tour. C'est vrai. Sauf que maintenant, la tour, elle peut devenir une fusée, elle peut décoller, mais elle ne partira pas que la charpente. Il y aura des problèmes quelque part, à un moment donné. La charpente, elle devra être défaite. Si c'est une charpente de bois, par exemple, on s'en sert comme combustible en dessous pour allumer la mèche de la fusée. Donc, toujours génial, l'âme. Sauf que lorsque l'âme décide d'être l'esprit, lorsque l'âme se prend pour l'esprit, lorsque l'âme dit à Dieu, « Oui, mais dis-moi-les ce qu'il faut que je fasse! » C'est de l'ego. Si l'âme dit, « Bah, OK, viens t'écraser sur moi, là, pousse-moi à côté, là, puis viens faire ce qu'il faut faire, puis tu te collectes. » C'est pas long que ça se fait. Une âme anégoïsée, ça devient quoi? Bon, le problème, évidemment, c'est qu'étant donné que toute l'évolution est régie par l'âme, hein, ceux qui sont venus ici, la majorité est amenée par leurs âmes, et lorsqu'ils apprennent que leurs âmes devront servir un jour de boîte combustible, ben, ils se disent « j'en reviendrai plus ici ». Sauf qu'il y a aussi l'esprit qui manipule un paquet d'entre vous, et il y en a un paquet qui ne voudront pas, mais qui vont revenir. Hein, un jour, il y en a qui vont entendre parler qu'il y a un autre centre qui s'ouvre à côté de ce maudit centre-là, là. Puis ils vont y aller, puis c'est nous autres qui déménageons dans un mois de l'intelligence, c'est surprenant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas juste ici qu'il y a de l'intelligence, il y en a pas mal partout au Québec. Sauf que l'humain va où est-ce que l'intelligence l'amène. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'âme, l'ego, lorsque ça s'anégoïse, ça devient simplement de l'énergie vitale. Énergie vitale qui, premièrement, restaure la santé du corps physique, qui, deuxièmement, permet au mental de s'incruster au niveau du système neuronique. Deuxièmement, troisièmement, l'énergie vitale ainsi anégoïsée, dont l'âme s'anégoïse, permet une mutation plus rapide et plus facile au niveau du corps physique, permettant donc à l'esprit d'avoir un véhicule énergétique maintenant qui pourra résonner en contact avec l'énergie ultra-atomique des neurones, de certains neurones du corps cérébral, et permettant à ceux-ci, par dépolarisation, d'instruire par palier différents autres neurones, et ça permettra à l'être humain d'avoir une expression planétaire d'un mécanisme esprétique qui ne passera pas par de l'âme et de l'ego. Lorsqu'on le demandera à un homme qui a un âme ou à une femme qui a un âme, « Est-ce que tu es Dieu? » Ben, l'âme va répondre « Non ». Mais je suis en contact, ou non, mais il me parle, ou non, mais je suis à sa droite, ou non, mais bon. Puis lorsqu'on rencontre un homme nouveau qui n'a plus d'ego, mais qui n'a plus d'âme comme on la connaît, et qui a un réceptacle d'esprit à place, ben il va répondre, il va répondre, ajuster la personne qui pose la question. Mais normalement, hein, si la personne est prête à recevoir la réponse, elle va simplement répondre, je suis. Évidemment, il ne dira pas ça à tout le monde, ça va frustrer tous les égos qui sont convaincus que l'homme peut être, mais pas lui. Ça ne va pas devenir comme une espèce d'aéroport, une espèce de tour où est-ce que ça laisse rentrer puis ça dispatche, comme on dit. Non, l'être humain n'est pas là pour... L'être humain tel que nous le connaissons et tel que nous le concevons n'est pas là pour diriger les choses. Mais non, il va être répartir dirigé. Non plus. Non. Être dirigé, oui. Oui. Lorsque l'être humain finit par être intelligent, il décide qu'il va là, puis en même temps, on lui dit « va là ». Fait qu'il va là. Alors, c'est évident, hein? Quand tu as trois chemins boueux puis un chemin qui est sèche, puis que t'as pas de bottes debout, ben tu prends le chemin sèche. T'es donc manipulé, tu n'as pas le choix. Intelligence, elle dit, prends le chemin sèche, puis toi, tu vois le chemin sèche, ben, tu prends pas les chemins boueux. Tandis que l'homme ancien qui a de l'ego, lui, finit par se dire, ouais, ben moi, je m'en parle là, puis... mais ça. C'est plus court. Il veut pas voir. Il veut pas voir. Lui, il décide qu'il va intentionnaliser sa vie, qu'il a un libre arbitre, alors qu'il n'en a foutrement pas. Hein? Il a un tout petit libre arbitre. Tout petit. Bon. Microscopique. On n'a pas encore de microscope, d'ailleurs, suffisamment puissant pour essayer à le voir. Pour arriver à le voir. L'homme, évidemment, qui a de l'âme, se dit, voyons donc, hein, la semaine dernière, on a parlé du libre arbitre, ou la semaine d'avant, puis il y a des personnes qui sont parties hautement frustrées, prouvant que j'avais raison. Je leur disais, oui, mais vous n'êtes même pas capable de déterminer dans quel état d'euphorie émotive vous allez vivre. Je dis, l'homme n'a pas de libre arbitre pour me prouver que j'ai raison, vous vous frustrez toutes. Là, je leur demande, est-ce que vous avez décidé d'être frustré? Ben, certainement! Bon, ben, décidez donc d'être heureux pour le faire. Mais juste pour voir. Éprouvez-moi que j'ai tort. Oh, ouais, mais toi, là, tu comprendras pas. Et puis, vous avez décidé d'être en colère? Oh, oui! Vous avez décidé que vous aviez décidé d'être en colère. C'est là qu'il a les barbites de l'homme. Mais il n'a pas décidé d'être en colère. Quand j'ai dit que t'as une crevaison, t'as décidé d'avoir une crevaison. Ah, oh, c'est pas pareil! Quand t'es malade, t'as décidé d'être malade, c'est pas pareil! Quand tes enfants, ils te font... C'est pas pareil! Quand ton père... C'est pas pareil! Quand t'achètes un livre, c'est pas le bon. Moi, c'est fourré, là, c'est pas pareil, j'ai le libre arbitre, je voulais acheter ça, puis... Ben, si t'as le libre arbitre, t'as racheté de bons livres. Moi, je suis tout à fait ouvert. Prouvez-moi qu'il y a un libre arbitre de sa planète, puis je vais accepter. Mais en attendant, l'âme se croit qu'il a un libre arbitre, tandis que l'âme ne peut pas faire sa volonté. Elle est toujours régie par la volonté de l'esprit. Tant que l'âme se prend au sérieux, tant que l'âme est à l'intérieur, puis tant que l'âme est convaincue qu'il ne veut pas laisser exprimer quelque chose de neuf qu'il ne savait pas, ben son âme reste tout à fait l'ennemi de son esprit. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. L'évolution se continue. Il y a une mutation corporelle qui engendre des choses que l'âme veut pas. Moi, je veux évoluer là-dedans. Ben, tout le reste évolue sauf ce que tu recherches. C'est toujours comme ça que ça marche. Puis à un moment donné, lorsque la personne se dit « Bah, et puis merde, là, je vais suivre mes feelings, puis quand je me rendrai compte que c'est con, je changerai de place. » Là, l'esprit commence à la diriger. Un peu plus. On va la tester, voir. On va l'envoyer chez un tel, dans tel secte, puis il se fait couper les cheveux, là. Juste pour voir. Juste pour voir à quelle façon l'ego va être capable de supporter. Moi, là, je veux que Dieu me dirige. Ben, Dieu, il te dit, rase-toi la tête, puis il laisse-toi avec une petite queue de cheval, plante-toi un os dans le nez. On veut juste voir comment est ton ego. Oh, Dieu fait pas ça. C'est l'âme qui domine encore. On a des textes dans la Bible. Va tuer tes enfants. Ben, le bonhomme, il monte en haut avec son couteau, puis il vient pour tuer ses enfants, puis là, il n'y a pas un ange qui l'arrête, là. Mais là, il se rend compte que c'est pas nécessaire de les tuer, c'est comme s'il était mort. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si son ego domine, ben non, si l'ego est suffisamment lucide pour que l'esprit passe. Puis s'il faut qu'il tue, ben il les tuera. On va en fabriquer d'autres, il n'y a pas de problème au niveau cosmique. Mais pour l'ego de l'homme, ça devient important. On m'a dit que vous étiez un phénomène. C'est la première fois que je vous entends, mais pas la dernière. Pouvez-vous vraiment c'est très bien écrit, répondre à toutes les questions posées par l'humanité? Est-ce que Jean-Baptiste est réincarné et où? Je les pose toutes. Non, une à la fois, comme d'habitude. Pas changement. Bon, la première question, c'est une question qu'on ne pose jamais à quelqu'un, parce que s'il répond oui, ça veut rien dire. S'il répond non, ben là, ça veut rien dire non plus. Est-ce que Jean-Baptiste est réincarné, oui, ou au Québec? Mais personne ne le sait, d'ailleurs. Il est... personne ne le sait ou on ne veut pas le dire? Non, la personne qui pose la question le sait. Il est réincarné et au Québec. D'ailleurs, ils sont les mêmes déjà vantés. Bon. Ah bon? Qui savait? Publiquement. Jean a toujours eu une grande gueule. Oui. Ça veut dire quoi? Non, c'est correct. Si bien ça le regarde, je réponds à la question. L'autre question? Pourquoi Aurobindo est-il mort? Ben, Aurobindo a été l'un des premiers mélanges de la race aryenne, l'un des vestiges de la race aryenne, la première sous-race de la race mère neuronique blanche, à avoir eu ce contact avec l'énergie supramentale. Il a rencontré une descendance des races teutoniques françaises mères. Il l'a rencontré dans le domaine supramental. Ils se sont rencontrés eux-mêmes. Ils ont vécu ensemble longtemps. Mère est morte aussi par la suite. Aurobindo était donc descendant de la race aryenne, donc il n'avait pas un corps physique suffisamment solide pour pouvoir supporter longtemps, sans destruction, le contact avec l'esprit, le plan supramental. Mère avait un corps supérieur et elle n'avait quand même pas un corps suffisamment solide, donc elle aussi a subi une dégradation corporelle, ce qui a engendré sa disparition biologique. Aurobindo a un double éthérique, donc il n'y a pas de problème en ce qui concerne, il n'est pas mort. Il va revenir en se rappelant ce qu'il est, mais il va attendre qu'un corps biologique soit capable de supporter sa réincarnation. Mère, c'est le même phénomène. Tant qu'à Satprem, c'est un personnage extrêmement intéressant qui fait un très bon boulot. Il est connecté sur la mémoire astrale supramentale de leur maître, donc il n'a pas de contact avec l'esprit. Il a un contact avec la mémoire du contact entre Aurobindo, mère et l'esprit. Alors, lorsque le corps physique n'est pas suffisamment solide, il suit une dégradation qui peut engendrer le vieillissement et qui peut aussi engendrer une mortalité sans vieillissement. Et c'était le cas de Aurobindo, le cas de Krishnamurti et ce sera encore le cas de certains autres. À ce moment-là, est-ce qu'une personne peut, connaissant la mécanicité de ce phénomène, pourrait intervenir? Dans le cas d'une race aryenne, non. Donc, ça, c'est le cas de le dire, ça servait à rien. Pour Aurobindo, il était à rien. Oui. Dans le cas de mère, ça l'aurait pu se faire, sauf que c'était inutile, étant donné que la génétique québécoise, entre autres, la génétique de cette partie de l'hémisphère nord de notre planète, engendrera, et elle engendre déjà, mais elle engendrera massivement dans les quelques 5 à 10 ans qui vont venir, des corps physiques suffisamment puissants pour recevoir presque n'importe quel phénomène réincarnatif individuel, donc des réincarnations suggéré par le double éthérique et non pas par une pluralisation fusionnelle réincarnative comme on la connaît présentement à l'échelle de l'humanité. Oui. Est-ce que des gens comme Aurobindo ou bien Mère vont nécessairement se mélanger à un haut niveau? Non. Vont non. Avoir plus Aurobindo de chance? Va se réincarner d'une façon individuelle et Mère aussi. Oh. Donc, il y avait de double éthérique. C'est ce que j'ai dit. J'étais pas là. J'étais pas là. Qui est Tellure? Si j'ai bien... Qui est Tellure? Tellure, c'est un phénomène intéressant qui est de la mémorisation vitale des contacts supramentaux melchisédiens qui ont animé la planète à l'époque de Moïse. Alors, Tellure a la faculté... Tellure, c'est un terme intéressant qui fait référence à tellurique, tellurie, donc planétaire, belzébutien. C'est une énergie yinique qui a mémorisé une énergie vitale qui est mémoriellement non colorée et qui a été construite par l'expérience des Melchisedec à l'époque de Moïse, à l'époque d'Abraham, à l'époque finalitaire du Nazaréen. Donc, Tellure est une énergie belzébutienne qui a la faculté de manipuler les forces belzébutiennes, les forces vitales planétaires, et il aura donc la faculté intelligente. Mais les Melchisedec sont des catalyseurs d'évolution. Pour ceux qui connaissent un peu ce terme, Melchisedec, on le retrouve dans la Bible. On le retrouve dans la Bible américaine, la cosmogonie d'Urantia. On le retrouve dans certains cadres ésotériques de Blavatsky et de d'autres personnages. Et Melchisedec, c'est un catalyseur d'évolution. Ça peut être personnifié à un moment donné par certains humains. Il peut animer certains humains. Melchisedec, la dernière apparition de Melchisedec, ça a été à l'époque du comte de Saint-Germain dans la manipulation d'un bonhomme qui s'appelait Cagliostro, qui a servi à tamponner les effusions égoïques du corps du comte de Saint-Germain, qui était la réincarnation de Lazare. Alors, Tellure est donc la phénoménologie mémorielle de ce phénomène. Il va réapparaître prochainement, induisant dans la nature une expression intelligente permettant à certains personnages qui ont un contact avec l'esprit de pouvoir bénéficier d'un cadre naturel non pollué, extrêmement bénéfique. Ce n'est pas... L'être humain pourrait parler d'une recrudescence d'un phénomène Éden paradis terrestre. C'est quelque chose dans le genre qui va apparaître à l'échelle du Québec, dans certaines régions de ce Québec ésotérique, le bouclier canadien. Et voilà ce qu'est Tellure. Disons que présentement, ce n'est pas plus important que ça d'en parler. C'est dans quelques années que ce phénomène va commencer à réapparaître induisant, j'en ai parlé dans la conférence, le Québécois, une race à part, induisant une migration de ceux qui auront une affinité planétaire, disons, tellurique avec le continent, québécois, le bouclier canadien, disons, induisant une migration vers le nord, vers le bouclier canadien, donc au-delà, évidemment, des plaines du Saint-Laurent à l'échelle du Québec politique, et induisant par le fait même une fuite des personnes qui vivent présentement dans le nord. Ils vont se sentir mal à l'aise, ils n'aimeront plus le paysage, ils vont trouver les maringouins tannants, et lentement, ceux-là vont s'expatrier vers le sud, ce qui va engendrer des phénomènes, comme on l'a vu lors de la conférence, au niveau de, des coûts des maisons, des terres et du système économique. Donc, tellure va donc apparaître lentement. C'est intéressant que la personne connaisse le nom de tellure parce que c'est un terme relativement ésotérique qui n'est pas connu par grand monde. Est-ce que ça veut dire que la partie qui est habitable ou qui est habitée actuellement va nécessairement s'agrandir? Bien, il y a une grande partie du Québec qui est inhabitable, qui va devenir habitable et qui va de plus en plus être habité. Il est inhabitable parce qu'il oblige l'humain qui recherche trop le phénomène amique émotif à rester de là où il y a le plaisir et le bonheur et la facilité, ce qui permet à ces territoires d'être moins astralisés par les êtres humains qui auraient vécu là. Donc, on a tous les territoires du Nord-Ouest, évidemment, qui vont devenir de plus en plus habitables. Et on a une grande partie de notre Québec qui, présentement, n'est pas habité et qui sera habitable. Et on aura surtout une immigration de la technologie vers le nord et une immigration des humains qui seront attirés par énergétiquement par ces régions. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'humain qui va apprendre ce que je vais dire ou qui va l'apprendre de la bouche d'autres et qui, à un moment donné, va se dire « ben sac, moi je m'en vais là », il vivra pas là longtemps, il dormira pas là, il pourra pas manger là, il va avoir la tourista, il va avoir tout ce qu'il faudra, mais à un moment donné, il va s'écœurer, il va s'en venir vers en bas. Puis celui qui va s'en aller par en bas, attiré par les consciences collectives et qui a une génétique tellurique, planétaire, disons, québécoise, K-E-B-E-K, n'est-ce pas le Québec ésotérique qui est bouclier canadien, ben lui, c'est le même phénomène, il va finir par remonter en haut, puis là, les maladies vont s'en aller, il va se retrouver chez eux, il va se restaurer. Ces choses-là vont apparaître lorsque tellure va commencer. Tellure, évidemment, c'est une personnification relativement occulte ou ésotérique. D'un phénomène. Sinon théologique, d'un phénomène tellurique. Alors, on ne peut pas parler à tellure, ça ne parle pas. C'est comme parler à Dieu, ça ne répond pas. Ce n'est pas une personnalité, même si on personnifie un événement cosmique ou planétaire, ce n'est pas une personnalisation. Comme tout à l'heure, il y a une personne ici, n'est-ce pas, qui me disait que c'était vrai ce que je disais. Intéressant, merci. Et puis, elle me disait que justement, de temps en temps, elle a des problèmes. Elle est ingénieure et elle a des problèmes. Lorsqu'elle panique, lorsqu'elle vient folle, elle ne trouve rien. À un moment donné, deux fois, elle avait besoin de nourriture, elle était perdue. Puis lorsqu'elle est devenue calme, elle a trouvé. Alors, elle a dit, je lui ai dit, tu n'as pas trouvé. La direction t'a été indiquée. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Quelqu'un me l'a dit. C'est pas quelqu'un qui te l'a dit. Ça, c'est l'ego qui vit d'un orgueil et qui, autant il veut être intentionnel, c'est lui qui va décider, autant il se croit médiocre dans le phénomène cosmique. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a dit. Tu as su. Et c'est suffisant d'arrêter là. Tu as su. Qui me l'a? Ce n'est pas des mots qui peuvent amener la compréhension de la mécanicité cosmique. L'être humain, par son âme, essaie toujours d'expliquer les choses neuves à partir de ce qu'il connaît. Alors, si je l'ai su, c'est que quelqu'un me l'a dit. Ce quelqu'un sera un maître, sera un gourou, sera un dieu, sera quelque chose. On personnifie. Mais non, tu as su. Contente-toi-en. Tellure, c'est le même phénomène. À un moment donné, il y a certaines régions du Québec qui vont rajeunir, où ça va pousser, où ça va se réchauffer, où il y aura une flore et une faune plus adaptées. Il y aura quelque chose de bizarre qui ne sera pas explicable. Bon, on va évidemment y amener des explications à un moment donné, mais des explications qui n'amèneront pas le contrôle de la situation. Donc, explications théoriquement fausses. Et on va s'en contenter. Ce phénomène est en voie de peut-être de faire... Oui, évidemment, les biologistes remarquent déjà certaines choses. D'accord. Alors, la quatrième question, c'était merci. Pour faire suite, Mikhaïl Ivanov est-il Jean-Baptiste? Non. Mikhaïl Omram est Mikhaïl Omram. Il est décédé. Pas comme l'humain le conçoit, mais il n'est pas Jean le Baptiste. Croyez-vous que la science et la technique vont nous amener à une libération matérielle? Première question. Première réponse, je ne crois à rien. Et pour faire suite à la question, la science et la technique, la technologie est présentement à un summum de son évolution. Si l'être humain aurait l'intelligence, et il l'aura prochainement, après évidemment une purification amenée par l'homme ancien de la planète Terre, il aura l'intelligence de se servir de la technologie de la science telle qu'elle est actuellement pour pouvoir se libérer totalement de la matière et parfaire carrément son évolution améliorative. Évidemment, l'être humain qui n'a pas confiance en l'intelligence instantanée préfère faire référence encore une fois à son contexte mémoriel et la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui devrait vouloir dire savoir, mais qui en réalité veut dire connaissance. Cette science, elle est de la mémoire et l'être humain continue continuellement à faire référence à cette science. Tu as peur d'attraper le sida, alors tu vas investir dans la recherche contre le sida. Ce n'est pas mauvais, sauf que ce n'est pas cela qui va t'empêcher d'attraper le sida. Si on a tout ce qu'il faut pour que tu ne pognes pas le sida et que l'intelligence qu'on souhaite égoïquement, ça devrait être malade pareil, ben on va inventer le DASI. Hein? Il y aura quelque chose que tu vas pogner qui va t'humiliser un peu. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain, dans 40 ans d'ici, on a déjà des dessins scientifiques d'avions de combat extraordinaires. On a des dessins de véhicules automobiles qui pourront peut-être flotter et être embarqués sur des canaux référentiels dirigés par des ordinateurs pour éviter les accidents. Et tu lui indiques où tu veux aller, puis tu dors et il t'amène là. Sauf que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas besoin d'arriver. L'être humain peut être confiné entre deux formes d'évolution. L'évolution de sa matière grise qui engendre une évolution dans la matière, et qui permet à l'être humain cérébral d'inventer des automobiles qui vont plus vite que son corps physique peut aller. Et le corps physique embarquant dans la matière, dans l'extension du corps physique, va plus vite. Et il y a l'autre forme d'évolution, celle où l'être humain arrive à une mutation suffisamment intelligente, une mutation qui ne peut pas être dirigée par l'ego, parce que l'ego, ce n'est pas intelligent, c'est intellectuel, c'est mémoriel. Et à un moment donné, ben, l'être humain embarquera dans un automobile, il n'allumera pas le moteur. Il partira trois fois plus vite que tout ce qui existe sur le marché. Et puis, il s'en ira comme il voudra, où il voudra aller. Et évidemment, lorsque l'être humain se dit, voyons donc. Hein? Premier hélicoptère qui a volé, mathématiquement, il ne pouvait pas voler. Il a volé pareil parce que l'homme ne le savait pas. Le gros bourdon ne peut pas voler. Ses ailes sont trop petites, il ne déplace pas suffisamment d'air pour lever son corps. On parle peut-être la vibration qu'il dégage en volant, hein, en bourdonnant. Ben, le bourdon, il ne le sait pas, fait qu'il vole, il s'en fout. La journée va la prendre, il y aura des problèmes. Alors, il y a énormément d'inventions que l'homme a faites qui ne fonctionnent pas. La fibre optique, on l'a déjà essayé souvent, ça ne marche pas. On la réessaye, ça marche. Le transistor s'est inventé ici au Canada, en Ontario, dans un laboratoire de la compagnie Bell Téléphone. On savait où on allait. C'est une des rares inventions qui avait été mathématiquement prévue. Mais on l'avait déjà essayé avant, ça ne fonctionnait pas. Et on parle de purification du silicium, purification de ceci ou de cela. Il y a énormément de choses que l'être humain ne sait pas. Alors, à un moment donné, on pourra inventer un moteur qui pourra tourner peut-être à 20 000 tours minute, inventer une transmission et un différentiel qui pourra supporter une accélération. On pourra faire des routes qui, lorsqu'on prend une sortie, ben la sortie, elle a 25 000 de long. Hein, pour pas que tu prennes le champ. Bon, à vitesse que tu vois, ça ne m'arrêtera pas. Puis, il y a aussi un autre moyen. Celui qui a été développé longtemps par l'alchimie, celui qui a été développé par un paquet de personnages qui ont été étampés sur des tableaux ici. Et il y a le moyen de l'homme. Alors, la science et la technologie, elle est utile, elle est déjà applicable. Hein? On peut inventer un domicile qui s'entretient tout seul. On a tout aujourd'hui pour faire tout ce qui est nécessaire à l'homme. Ça ne vaut pas la peine de chercher plus loin. Il est temps maintenant qu'on s'occupe de l'homme. La technologie, on va s'en servir pour permettre à l'être humain qui développera son intelligence de pouvoir avoir la paix. La technologie, présentement, elle est suffisamment développée pour donner à l'homme tout ce qu'il a besoin d'être. Oui, mais ça ne va pas à la vitesse de la lumière, fait que l'homme ne peut pas aller sur Alpha du Centaure ou sur Betelgeuse ou sur Aldébaran ou sur... L'homme fera cela dans un transport séraphique. Il n'aura pas besoin d'un vaisseau spatial idiot qui demande énormément de pollution pour pouvoir décoller, n'est-ce pas, à 11,2 km/s de l'attraction planétaire pour après ça se diriger quelque part dans l'univers à la vitesse d'une tortue qui recule pour arriver après 4,3 années à la vitesse de la lumière sur Alpha du Centaure, c'est ridicule. La science déjà entrevoit de visiter. On a des films, donc on a d'une science-fiction qui parle de traverser notre galaxie. 15 milliards d'années, peut-être. Bon, et puis on va parler, bon, ben si on va à vitesse de la lumière, bien on pourra traverser la galaxie. Ouais, peut-être en 1 million d'années. Mais ça va changer quoi? Ben, ça va changer quoi? Pour aller à la Lune, c'est intéressant. Pour aller à la Lune, ça va te prendre une affaire comme 2 minutes. Mais pour aller sur Alpha du Centaure, 4,3 années. Pour aller sur une autre planète ou sur une autre étoile, ça va te prendre 3 générations d'humains. Même à cette vitesse. Alors, ça vaut pas la peine de pousser la science dans cette solution. C'est une solution qui, fondamentalement, n'aboutira jamais. Tout est relatif dans le contexte de la planète Terre, l'automobile est intéressante. Dans le contexte entre 2 planètes ou entre un satellite et une planète, ça devient fou. Alors, on a les vaisseaux spatiaux qui consomment... prenons l'Apollo, hein, la fusée Saturne V, 35 étages de haut. Juste en carburant, en comburant pour propulser. Et je tenais sur 5 étages. Le premier étage tombe dans l'océan, la deuxième dans le dépotoir planétaire, ça tourne autour de la planète. Hein? À un moment donné, il faudra que lorsqu'un vaisseau décolle, que ben d'ailleurs on le calcule déjà, le NORAD le calcule déjà. Il ne calcule plus juste ce qui va être la Lune, il calcule aussi ce qui sont les débris puis les satellites, pour pas que la navette en accroche en passant. Bon, et puis après ça, on lègue de partout dans notre... on pollue déjà, n'est-ce pas, l'espace. Mais la science est vouée à l'échec. Toujours lutter contre des maladies nouvelles qui vont apparaître. L'âme de l'homme ainsi que l'ego de l'homme, un jour on en parlera, crée des maladies. Parce que l'homme a besoin de s'humiliser. Alors on règle la pneumonie, on règle la tuberculose, on règle certaines maladies, puis on se ramasse avec une autre maladie karmique planétaire. Comme le sida. Et toutes ces maudites maladies karmiques planétaires sont tous des maladies qui sont transmissibles sexuellement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science et la technologie, c'est extrêmement intéressant. Chapeau, moi, je continue à appuyer. Sauf que maintenant, il ne faut pas créer quelque chose de neuf. Non, il serait temps qu'on applique ce que l'on a. On a des nouveaux matériaux qui nous permettent de faire un alliage extrêmement intéressant, un alliage composite, qui nous permet de créer un blindage de char d'assaut qui ne peut pas être détruit par un obus creux, à charge creuse. Ça détruit n'importe quoi, ça. Alors, pourquoi on ne fait pas des maisons, à un moment donné, avec un alliage composite, une maison qui pourra être démolie dans 300-400 ans, et puis qui, en attendant, ne demandera pas d'entretien? On n'a pas besoin d'inventer quelque chose de neuf, il nous faut maintenant appliquer. Et pour appliquer, il faut que l'intelligence de l'homme commence à s'exprimer au-delà de son âme pour commencer à se servir de ce que l'âme a demandé à l'intellect de créer. La technologie, on n'a pas besoin de se demander si un jour la technologie nous permettra de se libérer des contraintes matérielles. On est déjà libéré des contraintes matérielles. Sauf qu'on ne veut pas le voir. On ne l'applique pas. Et on ne peut pas l'appliquer individuellement, mais on peut commencer à en parler individuellement. Et puis, à un moment donné, ben, il y aura quelqu'un qui pourra donner un essor collectif à l'application de ce phénomène-là. Quand on pense qu'on a déjà inventé le moteur à combustion, un moteur pas à combustion, mais un moteur qui marchait à eau de mer, par distillation de l'eau de mer, puis que c'est une grosse pétrolière qui a acheté les plans, et qui les a évidemment brûlés, ben non, elle les a mis dans les coffres-forts, elle attend qu'il n'y ait plus de pétrole pour les sortir. On a inventé un moteur qui fonctionnait avec le purin de cochon. Hein, on en a plein ici, on en trouve plein des rivières. Bon, on a inventé des choses. Mais non, l'intelligence n'est pas encore prête. Alors on fonce sur des véhicules automobiles qui, dans l'an 2000, la bouture ne sortiront jamais. On n'a pas besoin de tout ça. T'embarques dans une caisse de bois, puis tu t'en vas voler, puis tu dépasses les voodoos, puis tu dépasses d'autres, tu s'écrases tout seul. Bon, tu dépasses les nouveaux chasseurs canadiens. L'humain va voir à un moment donné. Si on a un don en dollars pour faire, est-ce bien de le donner à une œuvre bienfaisante et à qui serait le mieux? Ben, c'est préférable peut-être de le donner à une œuvre bienfaisante, n'est-ce pas, que malfaisante. Ça peut aider. Le don d'argent est intéressant, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui le savent. Ils donnent de temps en temps, puis quand ils donnent un peu plus, les affaires marchent mieux. Ouais, on appelle ça un échange d'énergie. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui savent ça. Ils donnent. Oh, ça sauve l'impôt. Ça sauve pas assez. Tu donnes 10 000, tu sauves 600 piastres. Tu gardes 10 000, puis paye 600 piastres à la place. Tu sauves 2 400. Il y a un échange d'énergie extrêmement intéressant, alors les personnes, à un moment donné, qui en ont besoin le font. Ils doivent le faire dans des organismes qui fonctionnent pour développer l'humain, pour guérir l'humain. Présentement, un phénomène qui serait relativement intéressant, évidemment, c'est dans la recherche contre le sida. Ça serait intéressant. Le sida, on va finir par le guérir. D'ailleurs, on est en train, d'ici peu, on va le guérir. Et lorsqu'on l'aura guéri, bien évidemment, il y aura d'autres choses qui apparaîtra quelque part, mais ça leur a permis à certains individus, n'est-ce pas, parce que le sida, c'est absolument génial, ça l'a permis à plusieurs sociétés extrêmement civilisées apparemment, les sociétés nord-planétaires les plus en conscientisation, de revoir, sans le savoir, leur mode de vie sexuelle, leur mode d'un paquet de choses. Lorsque l'humain ne comprend pas suffisamment, ce n'est pas Dieu qui vient le punir. Hein? Lorsque tu lances une roche dans les airs, ben, si tu restes en dessous, tu retombes sur la tête, puis Dieu n'a rien à voir là-dedans. Alors donc, il y a des conséquences karmiques, écologiques qui amènent des choses. La personne, elle, là, qui a donné ça à des organismes qui, on en a plein au Québec, n'est-ce pas? Je veux dire, on a tout ce qui travaille pour l'enfant, c'est intéressant. Tout ce qui travaille sur les maladies infantiles, c'est intéressant. Et tout ce qui travaille, de toute façon, sur le phénomène pathologique de l'âme, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'évolution se fait par une conscientisation mutatoire du corps physique de l'homme, et tant que l'âme, et tant que l'ego résiste contre ce changement, il instruit, il induit des maladies chez lui. Et étant donné que de temps en temps les maladies sont trop puissantes, il y a mortalité d'un corps physique, libérant par le même une possibilité d'évolution améliorative extrêmement intéressante à l'échelle de notre planète, ben, c'est intéressant d'avoir des médicaments qui vont être capables d'entretenir la vie. Et à un moment donné, la personne, elle s'en sort, mais elle est mutée, elle est changée, elle est différente. Et puis, ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est là qu'on donne ça. Après la mort, des âmes se fusionnent. Qu'arrive-t-il à l'être qui meurt, conscient ou inconscient? Bon, j'en ai parlé souvent dans différentes conférences. Je vais résumer un peu la réponse ici. Maintenant, les personnes qui seraient soit choquées ou etc., ben, on peut toujours se procurer la conférence sur la vérité, sur la réincarnation. Je pense que ça peut déjà donner une bonne idée. Parce qu'une personne meurt, elle est constituée d'énergie. Le corps physique est constitué d'énergie qui a été atomisée et par la suite molécularisée. Donc, par la suite, il apparaît en corps physique. Parce qu'on oublie souvent qu'on est des cellules, et les cellules sont soit du carbone, soit de l'hydrogène, soit de l'oxygène, soit de l'azote, dans la majorité des cas. Lorsque l'être humain meurt biologiquement, chaque palier vibratoire de son corps physique est digéré par le palier correspondant du plan terrestre. C'est-à-dire que le carbone s'en va carbone, l'azote s'en va azote, n'est-ce pas? C'est ce qui crée certaines odeurs, et etc. Le corps vital, la vie, est redigéré par le plan moronciel, par le plan vital de notre planète Terre. Et lorsque cela est fait, l'âme est libérée, l'âme pénètre le monde de la mort, le ciel. Dans le monde de la mort, il y a une partie infernale, il y a une partie purgatorielle, il y a une partie, disons, plutôt céleste. Mais évidemment, dans le ciel, l'être humain n'est pas libéré. Dans les cieux, l'être humain est libéré. Maintenant, lorsque l'être humain meurt, il ne va pas dans les cieux, il va dans le ciel. Le ciel a été créé en même temps que la Terre, dit la théologie. Effectivement, elle provient des cieux. Le palier le plus bas des cieux est le plan supramental, celui de l'esprit. Celui-ci est extraterrestre en ce sens qu'il n'est pas généré par le contexte planétaire. Il n'est pas extraterrestre en vaisseau spatial, il n'a pas besoin de ça. Bon. Lorsque l'être humain meurt, l'âme pénètre le monde de la mort, et pénétrant le monde de la mort, elle est digérée par le monde de la mort. Cela veut dire que les parties basses de l'âme vont se fusionner aux parties basses du monde de la mort, et c'est la partie dite purgatorielle. Pendant un laps de temps, la partie hautement évoluée de l'âme, ben, elle est retenue dans les bas-fonds purgatoires, du purgatoire, de ce que la théologie catholique appelle le purgatoire, et les parties qui sont basses, donc qui alourdissent l'âme en vibration, c'est-à-dire qui la rendent plus pesante par rapport à l'amour de notre planète, à l'attraction terrestre, eh bien, ces parties, lentement, se fusionnent et se désagrègent de l'âme, donc libèrent la partie évoluée. Et la partie évoluée fait son ascension lentement vers ce qu'on appelle le ciel. Et plus l'être humain a de parties évoluées, ben plus vite il se rend au ciel parce que plus vite les digestions purgatorielles sont passées. Rendu dans ce ciel, l'être humain pense qu'il est toujours conscient de ce qu'il est. Ben il a raison. Sauf que dans cette région, la digestion continue et lentement, ben tiens, tu retrouves quelqu'un avec qui tu vibrais le tien, vous étiez un. Bien là, vous allez être un, vous allez simplement vous fusionner. Il n'y aura pas de chicane, il n'y aura pas de problème. La personne est convaincue qu'elle reste elle. L'autre est convaincu qu'il reste lui, sauf que les deux sont maintenant une chose. Et à travers cela, vous allez rencontrer, c'est-à-dire que l'être humain se fusionne à des particularités du monde de la mort qu'il n'a pas connu, mais qu'il ne refusera pas, parce que ça fait tellement avec lui. Et il y a une fusion. Lorsqu'il y a réincarnation, selon la position des planètes, les planètes attirent certains paliers du monde de la mort, et les planètes donc n'influencent pas l'homme, par contre, par leur attraction, influencent les paliers du monde de la mort, donc du ciel. Et lorsque l'esprit du plan moronciel reprend un corps physique, lorsqu'un corps physique est fécondé, ben nécessairement, il a en génétique une mémoire programmative qui va lui permettre d'exprimer une seule forme et une exclusive seule forme d'âme. Alors, selon ce qui se trouve en haut de son corps physique, et là, ça dépend encore une fois de la gération de nos 13 planètes, l'astrologie en compte 7, et puis évidemment, la science en compte 12, et elle est en train de tripoter une 13e, bon, mathématiquement, et 9 présentement, mais on tripote sur la 13e, on a déjà apparemment mathématiquement reconnu les autres, puis maintenant, il suffit de les retrouver au niveau du périscope. Parce que l'être humain est tellement dans la brume, je le pense, sous l'eau, là, mais c'est un télescope. Bon. Et puis c'est même un radiotélescope qui vont servir. Alors ce qu'il va arriver donc, c'est que lorsque l'âme pénètre un corps physique, tout ce qui se trouve en attraction avec le corps physique et qui est permis par la position des différents plans du monde de la mort dirigé par les astres, se réincarne dans le corps. Alors la personne qui se réincarne, elle est 8, 9, 15, 20, 3, 15, oui encore, n'est-ce pas 100, 200, 300 personnes qui se réincarnent dans un individu. Et ces 300 personnes-là peuvent aussi se réincarner dans 15 autres individus. Alors, selon le corps physique, il y aura une expression différente. Pendant un laps de temps, évidemment, il y a une grosse partie qui va être par le système hormonal, il va être la réincarnation de la mère dans le corps physique et du père par le spermatozoïde. Donc, de toute façon, lorsqu'on a un enfant, le père et la mère se réincarnent de leur vivant. C'est un phénomène extrêmement important à savoir. Et la mère se réincarne un peu plus. C'est pourquoi tuez-moi, mais tuez pas mon enfant. Parce qu'elle a un corps jeune, alors elle préfère qu'on démolisse le corps vieux que le corps jeune. Et la mère, si tu chicanes l'enfant, si le voisin chicane l'enfant, elle a l'impression que c'est elle qu'on chicane. Donc, elle embarque. Et c'est normal parce qu'elle est les deux. Elle est réincarnée de son vivant dans le corps de l'enfant. Et le père aussi, mais il aura une affinité émotive plus faible. Normalement, je parle évidemment de l'homme transitif, aller jusqu'à l'homme ancien. L'homme nouveau, c'est différent. Bon. Alors l'enfant se réincarne et puis il va être un peu n'importe quoi jusqu'à l'adolescence où là, tout ce qu'on lui a appris, on dirait que ça sert plus, on dirait qu'il change, il vient ceci, il vient cela. Mais là, il y a une lutte d'identification. L'enfant nouveau va la faire entre 6 et 8 ans, l'enfant transitif ou ancien le fait vers l'âge de 10 ans, 14, 15, 16, 17 ans, dépendant des enfants et des sexes. Et par la suite, il y aura normalement une fusion, sinon il y aura des doublements ou pluralisation de personnalité, qui est un phénomène psychiatrique que l'on connaît bien aujourd'hui. Mais qu'on n'arrive pas encore à solutionner, ben, les exorcistes pouvaient à un moment donné éclairer l'un des deux personnages qui restait en bloc fusionné. Et puis on a un adulte qui finit par dire, ben, c'est moi. Et puis c'est lui, puis toute sa vie, il est manipulé un peu. À un moment donné, il se lève et puis soudainement, il est en vous maudit. Pourquoi? Bon, il est parti, qu'ils prennent le dessus. Alors, c'est ce qui arrive avec la personne qui meurt et qui, à un moment donné, se réincarne. Et lorsque la personne a suffisamment d'anégoïsation, lorsqu'elle se conscientise suffisamment vers son esprit, lorsque l'âme est un peu moins un frein, l'âme, poursuivant son évolution, devient de l'énergie vitale, il est écrasé par le poids de l'esprit. Et pour ça, il faut que l'âme accepte. Si l'âme refuse la mutation corporelle, l'esprit ne peut pas s'installer parce que l'esprit détruirait le corps. Si l'âme la laisse aller, le corps change. Il y a un paquet de bizarreries qui apparaît à un moment donné. Et l'âme, lentement, devient de l'énergie vitale qui va être expulsée du corps vital de l'âme, placée dans le plan moronciel entre le monde de la mort et le plan physique. Et pour cette énergie va recréer un double vital, un double éthérique de la mémoire d'évolution du corps physique. Cela veut dire que le corps physique mémorise ton évolution. Lorsque tu es un être humain en paix et que tu n'as plus besoin de rien faire pour être en paix, c'est que tes cellules ont génétiquement le caractère de la pacification. Si tu as un enfant avec une femme qui vit comme toi, l'enfant sera de sa naissance en paix. Sauf que lorsque le corps meurt, la mémoire s'en va, il ne reste de la mémoire que ce qui a été transmis génétiquement et ce qui nuit à l'évolution, puis qui en même temps l'assure. Lorsque l'être humain crée un double éthérique, il crée un double vital de la mémoire de son corps physique. Donc, lorsqu'il meurt, il va non pas dans le monde de la mort, il va dans ce double éthérique où il va continuer à être. Donc, il garde son identité. Lorsqu'à un moment donné, on crée un corps physique, le double éthérique va lui-même aider à la création du corps physique et il va donc créer un corps physique qui sera en affinité vibratoire avec le double éthérique, ce qui fait qu'à la naissance, l'enfant sera la continuité évolutive du corps physique qui est mort avant. Donc l'enfant, à l'instant où il apprend à parler, il va apprendre rapidement, il pourra dire « tu m'as appelé Pierre, mais mon nom c'est Daniel ». Puis il va expliquer, il va pouvoir fonctionner. Maintenant, pourquoi on n'a pas d'enfant comme ça aujourd'hui? Parce qu'on ne veut pas que les parents se suicident tous. Non. Alors, d'ici 5-10 ans, il y aura une évolution suffisamment grande au niveau des adultes pour permettre la création de corps physiques qui pourront être altérés par le double éthérique de ceux qui voudront se réincarner, dans le cas de Robindo ou de Mère, par exemple. qui va se passer. Donc, d'ici peu, l'être humain va avoir une réincarnation individuelle où il sera ce qu'il est. Sri Aurobindo avait trouvé la formule énergétique de la mutation, mais ne l'a pas donnée. Cette formule est-elle quantifiable mathématiquement? C'est intéressant. Effectivement, la formule est quantifiable mathématiquement. Aurobindo ne l'a pas donnée parce que les personnes de son temps ne pouvaient rien comprendre. Présentement, je suis à écrire un livre qui s'intitule « De la naissance à la mort » et c'est un livre de science qui explique aux savants, aux scientifiques, aux bols, n'est-ce pas, de quelle façon la mutation se fait. Je suis en train d'écrire un chapitre qui s'intitule « La naissance de la mort » parce que jusqu'à date, les quelques 15 chapitres que j'ai faits, c'est la naissance de l'ego, la naissance de l'âme, la naissance de l'enfant, la naissance du mental, la naissance des mots, la naissance des noms, la naissance de tout. Puis là, je suis à la naissance de la mort. Et puis, effectivement, je m'interroge souvent si je mets ces maudites formules ou non. Et en écrivant, bien évidemment, c'est comme la parole, on s'instruit un peu, et puis je suis en train de parler du clonage. N'est-ce pas? La création, la possibilité de prendre une cellule chez un être humain et par le code génétique qui est dedans, recréer le double de la personne. Est-ce qu'il y aura suffisamment de mécanicité dans le monde de la mort pour pouvoir recréer le même âme par attraction que ce qui t'habite déjà à la naissance? Bien ça, non. Donc, le clone sera biologiquement similaire, il aura de maudits problèmes. Et présentement, l'humain n'est donc pas prêt à ce qu'on transmette toutes les données. Bon, je vais en mettre suffisamment pour que la science puisse arriver à comprendre que la mutation se peut, à découvrir aussi de quelle façon l'évolution s'est transmise par la génétique et de quelle façon... Il y a un paquet de choses qu'on va mettre dans le livre. Mais pas tout. Et il y a une autre personne qui écrit aussi des livres, et lui, il les écrit pour le monde anglais pour l'instant. Et c'est le même phénomène. Il y aura présentement demi que juste ce qu'il faut pour que la science, qui ne peut accepter que ce qu'elle vit, ben, puisse, par sa propre science, se faire fourrer puis découvrir que ce qu'elle ne vit pas est du domaine de sa mathématique. Alors, Aurobindo ne l'a pas donné parce que ce n'était pas le temps. On va en donner un peu plus à un moment donné, mais tant que l'homme sera fou de vouloir cloner comme il veut le faire, ben, il n'aura pas le droit d'avoir toutes les formules. Est-ce qu'il va y avoir vraiment un temps pour que l'homme ait toutes les formules? Est-ce que ce sera, va être nécessaire? Oui, il y aura un temps pour que l'homme ait toutes les formules. Il y aura aussi une science qui permettra à certains corps physiques de pouvoir être restaurés. Ça l'a déjà été pressenti par un écrivain. Les écrivains sont des artistes, n'est-ce pas? Il y en a un paquet qui écrivent des films présentement qui sont des traductions extrêmement colorées de ce que l'intelligence prépare. Et il y en a d'autres qui ont écrit certaines choses aussi où on avait, ce n'est pas comme ça, je donne l'exemple comme ça, du bonhomme, où on avait un gars absolument génial, c'est pas au-delà de tout le monde, plus grand, plus fort, plus beau, plus bâti, plus puissant, plus intelligent, plus tout ça. Et puis lorsqu'il ramassait des bandits, des criminels, bien il leur faisait une opération au cerveau, altérant le code génétique de certaines conditions programmatives neuroniques pour que la personne reste elle-même puis qu'elle se rende compte que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Alors, à un moment donné, ben, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais la science n'est pas prête à faire cela parce que la science, elle part de la morale. Alors, la science morale va dire ben, tel peuple ou telle race ou tel punk ou tel ceci ou tel cela n'est pas comme il faut. Alors, on opère. Hein? Déjà que la moitié des opérations qu'on fait sont inutiles, là, on va s'amuser. Il faut simplement qu'à un moment donné, une personne qui est en phase mutatoire, si elle n'a pas suffisamment manifesté, si elle n'a pas suffisamment cellularisé sa condition de mutation, si elle n'est pas capable elle-même de forcer une cicatrisation, une mutation au niveau de son corps physique, puisse le faire chirurgicalement. Cela veut dire que toi, tu as un problème cardiaque, mais tu vas voir un chirurgien, tu peux lui dire que j'ai ceci, cela, cela, cela, et il faudrait simplement faire ceci, faire cela, faire cela, faire cela. Lorsque l'on découvre aujourd'hui, c'est absolument évident, ça fait longtemps que la science aurait dû le savoir. La science sait très bien que lorsqu'une personne souffre d'arythmie cardiaque, c'est qu'il y a certains endroits ectopiques au niveau du cœur qui créent des dépolarisations inutiles. Alors normalement, on a le cerveau qui envoie un ordre. Si le cerveau marche mal, il y a le nœud sinusal au niveau du cœur qui envoie un ordre de dépolarisation, le cœur pompe. Et à un moment donné, sur le cœur, il y a des petits points imbéciles qui décident de dépolariser aussi. Hein? C'est un peu comme l'esprit puis les petits égaux qui s'amusent. Alors le cœur pompe, puis il y a un petit point qui pompe avec. Fait qu'à un moment donné, 3, 4, 5, 6 petits points, puis sur un électrocardiogramme, ben, t'as toute une espèce de fibrillation dangereuse. L'arythmie amène à la fibrillation ventriculaire, qui est l'arrêt cardiaque. Et puis là, on a décidé qu'on prenait une décharge électrique, qu'on allait brûler ces maudites cellules liaiseuses-là. Paf, paf, paf. C'est ce que l'esprit fait chez l'homme. Hein? Quand t'es de l'ego, à un moment donné, on mange. Tu sais, bon, c'est évident. Alors, lentement, la science commence à avoir les clés bénignes, les clés faciles de certaines choses. Ces formules serviront à certaines choses dans un état, disons, opérationnel, opératoire, où l'être humain qui se fait opérer est conscient de ce qui se passe. Ce soir, en venant au centre, je me disais qu'il faudrait un jour que je me passe de vous et donc que je mute pour vrai. J'étais triste et je suis encore un peu. C'est mon mental qui veut me prendre en charge. Comment puis-je lui faire confiance? Bon, c'est bien mal, bien malvenu. C'est bien maudit de me poser une question quand on veut se passer de moi. Ça, c'est une chose intéressante à constater. L'être humain n'a pas à se passer de moi. L'être humain a à devenir son seul maître. Devenir son seul maître, ça, pour cela, on n'a pas besoin de moi. On n'a pas besoin d'un autre. On n'a même pas besoin de soi. Ça vient quand c'est le temps. C'est mauditement important de voir la nuance. Lorsque l'ego, induit par le mental d'une libération, projette sa libération vers autre chose, le mental n'a pas besoin de se passer de moi. C'est comme si quelqu'un dirait « j'ai besoin de me passer de mon professeur » ou « j'ai besoin de me passer de mon livre » ou « j'ai besoin de me passer de la vie ». Celui qui me prend pour un maître a besoin de se passer de moi. Celui qui me prend comme un événement dans sa vie, ben voilà, c'est comme un autobus qui passe au coin de la rue. C'est un événement. Tout. Tout. Donc, il n'y a pas besoin de se dire j'ai besoin de me passer de l'extérieur, je m'en vais de m'enfermer dans un ashram au Tibet. Et non, ça dépend de quelle est la condition dont vit l'ego. Et tant que l'ego a besoin pour s'instruire, pour se libérer de certaines conditions, ça peut être des livres comme Jonathan Livingston, ça peut être d'autres personnages. Ben, on continue à l'offrir à l'ego. Sauf que l'ego doit savoir qu'un jour, l'homme doit être son seul maître. Il y a des moyens pour y parvenir. Évidemment, le mental détecte certaines choses. La personne, elle est triste. Elle est triste parce que l'ego est au courant de la détection du mental. Le mental n'est pas triste. Et la personne étant triste, elle s'abreuve à l'observation du mental, limitant par le fait même la conscience du mental. La personne, elle ne doit pas se sentir mal pris parce qu'elle n'est pas mal pris. L'être humain doit savoir que tout ce qui se passe présentement dans sa vie comme dans la vie planétaire est une chose qui se doit de se passer. C'est un ajustement qui est personnalisé à ce moment. L'ajustement est personnalisé. La personne, elle t'envoie de faire un certain cheminement. Il y a des individus qui, à un moment donné, ne viennent plus jamais me voir parce qu'ils n'en ont plus besoin. Il y en a d'autres qui ne viennent plus me voir parce qu'ils veulent suivre la trace de ceux qui ne viennent plus me voir. Puis à un moment donné, ben, ils vont voir d'autres à la place. Ben non, ils se ramassent, ils reviennent encore ici. Je ne suis pas un maître, je suis un événement. Je suis une grande gueule. Alors, on prend les choses. Tant qu'à s'acheter des livres, c'est plus facile de venir ici. On peut poser des questions aux livres. Ce qui ne va pas, on ne le prend pas. Ce qui va, on le prend, c'est fini là. Alors, la personne, elle doit faire quoi? Ben, elle doit simplement savoir que tant qu'elle se pense, tant qu'elle voit qu'elle est triste, c'est qu'elle se prend au sérieux. Chaque fois que le mental observe quelque chose au niveau de l'ego, c'est que le mental est ajusté par l'ajusteur de pensée. Donc, il y a un contact inconscient, dans la majorité des cas, avec le plan supramental. Lorsque le mental voit quelque chose, l'ego est au courant. Et là, l'ego a le concept de ce qu'il devrait être. Et dans ce concept de ce qu'il devrait être, observant qu'il n'est pas ce concept, l'ego souffre. L'ego s'ennuie. L'ego est en colère. L'ego est, etc. Quand on sent quelque chose comme ça, si on souffre de l'évolution, c'est que c'est l'ego qui vit l'évolution, qui vit l'illusion de l'évolution. Moi, de temps en temps, je me rends compte que je ne suis pas encore capable de faire certaines choses. Et je m'en fous. Je me contente de l'observer. Et chaque fois que je l'observe, je sais qu'un pas vient d'être fait. Mais si je m'attriste à l'observation, je brûle ce pas en énergie de souffrance, de tristesse, ou etc. Alors, à un moment donné, je me fais carrément fourrer. Pas par ce qui, normalement, trompe l'humain, par quelque chose de différent. Et puis je ris. C'est amusant, c'est comique, c'est au bout. Et puis aucun problème. À court terme, c'est gagné. Mais chaque fois que l'être humain s'écrase, il avance longtemps et normalement, l'humain s'écrase juste quand il arrive. C'est là qu'il s'écrase. L'humain s'écrase toujours quand il est proche d'aboutir. Que ce soit en affaires, que ce soit dans une recherche d'emploi, que ce soit dans un couple, que ce soit dans son évolution, l'humain, il force. On le teste. Puis quand c'est le temps, hein, il arrive. La business, ça va marcher. La job, il va la trouver. Il va régler son problème. La majorité d'entre vous, c'est là que vous décidez de vous écraser. L'humain doit, à un moment donné, embarquer dans ce que l'on appelle la phase d'attente active. Mets-toi disponible, mais cesse de vouloir. Cesse d'espérer, mais reste disponible. Un jour, je serai riche. Qu'est-ce que tu fais pour être riche? En rien. Achète un billet de loterie une fois par mois, puis quand tu l'achètes, pense pas que tu vas gagner. Tu te mets juste disponible. Si un jour l'intelligence veut te rendre riche, elle aura le moyen de le faire. Mais tant que tu achètes un billet puis que tu transpires quand on sort les numéros, ouais, mais il y en a bien qui gagnent. Il faut bien qu'il y en ait qui gagnent. On sort les numéros des billets vendus. On n'a pas le choix. Il y en a qui gagnent. Mais celui qui se conscientise ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. À l'instant où votre intelligence, votre esprit commence à votre insu, à l'insu de l'ego, à manipuler votre vie, d'ailleurs ceux qui se ramassent ici à un moment donné ou qui vont dans certaines autres régions du Québec où il y a des conférences qui vont se donner ou des choses comme ça, ou des séminaires, ils sont manipulés par de l'intelligence. Ça veut dire qu'en partant, pensez pas que chaque fois que votre ego va vouloir quelque chose, que vous allez l'avoir. Avant, vous faisiez des projections puis ça marchait. Vous avez touché à l'intelligence une fois, projetez plus, ça marchera plus. Avant, vous décidiez que vous étiez pour vous en sortir, vous en sortiez. Maintenant, vous pouvez décider avec votre ego, ça marchera pas. Quel est ce phénomène? C'est l'intelligence qui mène l'humain. Mais il J'ai rencontré pas... des personnes, moi, qui n'étaient jamais malades. Puis un jour, ils viennent me dire, moi, j'ai jamais été malade. Moi, j'ai dit, ferme ta gueule, puis check-toi. Oh, je sais pas pourquoi. Non, c'est sûr que tu vois pas pourquoi. Ton ego, ton âme n'a pas expérimenté le pourquoi. Tu peux pas voir pourquoi. Mais la personne, elle a de l'intelligence. Elle commence à en exprimer, mais elle ne le sait pas. Elle a été très, très malade. À l'instant où elle a compris qu'effectivement, peut-être qu'elle était pas si, la maladie est partie. Et il y a énormément d'humains qui vont dire, oui, mais comment ça se fait que moi, ça a toujours été ça? Tu commences à être intelligent, bien l'ego va manger de la merde. Ce que l'ego voulait qui marchait ne marche plus. Mon couple a toujours été, il y en a un des deux qui est connecté avec de l'intelligence à son insu. Maintenant, tu appartiens à ton esprit, tu n'appartiens plus à ton couple, tu n'appartiens plus à ton ego, tu n'appartiens plus à ton âme, tu n'appartiens plus à ta job, tu n'appartiens plus à ta vie. L'être humain va dire, oui, mais c'est chiant, c'est peut-être chiant, mais lorsqu'on n'appartient plus à tout ça, on commence à se créer un double éthérique à court terme, et puis on ne meurt plus. Puis à un moment donné, on finit par voir qu'est-ce qu'on fout ici. Puis on dirige pas plus qu'est-ce qu'on fait ici. On est d'accord avec ce qu'on fait. Alors, l'être humain ne devrait pas broyer. Sauf que présentement, l'humain, du moment que l'humain est presque prêt de réussir, la majorité des humains de cette planète s'écrasent là. Ils se dégonflent là, jusqu'en c'était le temps. Mais c'est quoi, t'es rendu un virtuose du violon, puis juste quand le prof il dit « Maudit, t'as rien compris! » Et le prof il sait que dans deux semaines, il y a le concours, puis que tu vas gagner. Là, il te pousse. Puis là, tu dis « Oh, je suis bois, t'es clair, bing, bang, plus rien savoir. » Là, le maître, qu'est-ce qu'il dit? Il me sent encore trompé. Un autre qui finit jamais ce qui commence. Alors là, à un moment donné, la vie ou tout ce qui est intelligent, ben teste l'homme. Finissez-vous ce que vous commencez! Tout le monde dit oui, mais l'expérientiellement parlant, l'intelligence, c'est que dans la majorité des cas, c'est faux. Est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a une limite au niveau de l'individu ou qu'il n'y a pas une espèce de... un fusible qui saute parce qu'il est non, plus capable... Non, le fusible va sauter, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que tout l'humain s'écrase quand le fusible saute. Le fusible saute, ça veut dire « prends un break, connard ». Ça ne veut pas dire « ah, oh, bon, mais c'est correct, c'est pour ça que ça veut dire. Alors, à un moment donné, l'humain, ben il se rend compte, ben là, j'ai tout fait. À un moment donné, moi, j'avais une compagnie, hein, qui existe encore aujourd'hui, et puis, apparemment, c'est intelligent, on n'envoyait que de l'intelligence. Alors, on s'est dit, on va le faire. On va mettre tout le temps qu'il faut, on va mettre 5 jours par semaine, on va mettre l'argent qu'il faut, on va tout mettre. Puis, à un moment donné, ben ça marchait pas mieux. Fallait toujours investir, injecter. Fait qu'on s'est dit, bon, ben c'est intelligent, hein, ça va continuer, hein. On prend 2 semaines de vacances, puis au yob le babel. Là, on en avait un chlouk. Mais on n'a pas lâché. Là, c'était le temps, là. C'était le temps. C'est intelligent, ça va continuer. Si ça continue pas, ben, on est parti en vacances. Quand on est revenu, ben, c'était plein de comptes. Puis tout a marché. Cette année d'après, fou d'une poche, hein, on a repris des vacances. Puis ça a continué. Sauf qu'on continue à travailler autant. Puis quand on sent qu'on a besoin de repos, on prend le repos. Elle se démerdera. Puis elle se démerde toujours. Alors l'être humain, à un moment donné, va dire, bon, ben là, c'est pas ça qu'il faut faire. Le fusible saute, ça veut dire quoi? Ça veut dire break. Ça veut dire quelque chose qui va pas. Ça va pas tout clocher. Et l'humain, dans son évolution, dans son couple, dans son cheminement, dans presque tout ce qu'il entreprend, il ne finit pas. Juste quand on le pousse, ben là, il devrait s'en égoïser, mais au lieu de ça, il prend toute l'énergie qu'il a accumulée, puis il la brûle en broyage, ou en dépression, ou en chat, etc. Vous en faites des choses dans votre vie, vous en avez mis du temps et de l'énergie pour construire dans votre vie. Mais la majorité du monde ont abandonné ce qu'ils ont construit ou n'osent pas vouloir construire encore. Lorsque l'être humain touche à de l'intelligence, ce n'est plus lui qui dirige sa vie, ce n'est plus l'âme. C'est l'esprit. Puis l'esprit, c'est l'homme, puis l'âme, c'est l'homme. L'âme, c'est les pieds, puis l'esprit, c'est la tête. Tant que les pieds marchent n'importe où, ben la tête, elle suit, hein? Elle n'a pas le choix. Fait que quand les pieds amènent la tête dans un bordel, ben la tête, elle voit du bordel. Elle peut pas rien faire d'autre. Ça n'empêche pas que ce n'est pas les pieds qui vont toujours contrôler. Puis lentement, les pieds, ben ils disent à la tête, « Hey, t'as passé c'est un clou, t'aurais-tu un moyen que tu checkes pour éviter que... » Fait que lentement, le pied donne du pouvoir à la tête. C'est ce que l'ego fait quand il développe l'intellect. Puis à un moment donné, la tête, elle développe des circuits, puis quand elle voit un clou, elle tosse le pied. Elle commence à le contrôler. Le pied est tout content, lui. « Hey, hein, j'ai réussi à avoir une tête qui m'a, hein? » Oui, oui, c'est beau. Quand l'ego se dit, « Là, moi, j'ai un mental qui me permet... » Un jour, le mental va dire, « Mon petit, ça, c'est pas correct. » L'ego va dire, « Ouais, mais j'aime ça. » Le mental va dire, « Tu le fais pas pareil. » À un moment donné, l'humain se fait avoir comme ça. L'humain se rend compte qu'il va quand même faire sa connerie, puis il n'endort plus. Le mental lui dit, « Là, lentement, le mental va être dissocié. » Là, il rentre en contact avec l'intelligence, puis étant donné que l'ego a laissé le mental apprendre comment contrôler les choses, bien, quand l'intelligence vient définir, vient dire au mental quoi faire, le mental ne peut pas le savoir de lui-même, bien voilà, l'ego est fait. Alors, lentement, les pieds disent à la tête, tu devrais me mettre des bons souliers en cuivre, tu devrais fouiller des boutiques, tu devrais... Puis lentement, la tête a fini par avoir assez de monopole, assez de libre arbitre, si on peut dire, par rapport aux pieds, pour commencer à dire aux pieds, bon, ben là, tu marches pas dans la boîte aujourd'hui, tu marches à la salle. Puis là, tu marches pas nu-pied, ne tente pas, là, on va des souliers, là. Puis à un moment donné, ah oui, tu marches nu-pied, ouais, mais c'est plein de roches, puis fait frais, tu marches nu-pied pareil, t'sais. Puis là, un jour, la tête, elle va aller ramasser un coquillage dans le fond de l'océan, là, au Gunquit l'été, là, quand l'eau est à, je sais pas, à de glace bien raide, là. Ben, les pieds veulent pas y aller, ils sortent de l'eau bleue. La tête, elle va aller fouiller, les pieds suivent pareil. Là, les pieds commencent à maudire, la tête. Puis à un moment donné, ben, la tête a fini par dire aux pieds, bon, ben là, les pieds, vous allez porter ma tête ou moi, je vais vouloir aller. Les pieds n'iront plus dans les bordels. Moi, je vais là. Les pieds vont suivre. Puis les pieds, ben, ils suivent. Ils puent, mais ils suivent. Alors, à un moment donné, lorsque le mental se dissocie de ce phénomène égoïque, l'être humain commence à réussir. Mais quand cela est en phase, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'intelligence, à un moment donné, l'être humain, il dit, il pense, il veut faire quelque chose. Puis quand il le pense, c'est parce que c'est déjà là. Vous ne pouvez pas désirer une chose qui n'est pas là, parce que vous ne pouvez pas la désirer. L'âme ne désire qu'à partir de ce qu'il connaît. Ne désirant qu'à partir de ce qu'il connaît, il ne peut pas désirer quelque chose qu'il ne connaît pas. Et s'il le connaît, c'est parce que l'énergie le lui a amené. C'est là. C'est pas exprimé, c'est là. C'est en préparation, on bâtit des choses. Faut que, tu sais, tu veux bouger des objets à distance, faut que l'interpréteur actionnel puisse le faire. Tant que ça, c'est pas suffisamment programmé, ça le fera pas. Alors, t'as beau vouloir, ça marchera pas plus. On bâtit les choses. Qu'est-ce que l'interpréteur actionnel? Pour plus tard. D'accord. Comment vient le savoir instantané? Avez-vous besoin d'une séance de concentration avant une conférence? De temps en temps, je joue au ping-pong. Parce qu'on est dans une table de ping-pong. Ben non, je rencontre des employés. Ou ben non, je joue la flûte, n'est-ce pas? Ou ben non, je... Avec certains problèmes, non. Non. S'il faudrait se concentrer, concentrer, ça commence par trois lettres. Il y a beaucoup de choses comme ça, comme culpabilité, comme concentré, comme etc. Bon, comme culte. Il y a bien des choses. Hein? Les trois premières lettres, là, bien importantes dans bien des mots. Alors, n'est-ce pas le concentré? Non. Non. Non. Comment je fais une conférence? Eh bien, je fais tout ce que vous faites normalement, n'est-ce pas? Et puis après ça, je m'en viens m'asseoir ici, je fais une conférence. Et puis à la pause, je m'en vais si, faire un paquet d'autres choses. N'est-ce pas? Je continue à travailler sur d'autres bébelles parce qu'il y a des choses qui doivent être faites. Et puis par la suite, je viens faire la période de questions. Puis demain, j'ai des émissions à faire à Québec. Et puis demain soir, j'ai une conférence à Québec. Et puis dimanche, j'ai une conférence ici qui dure 3 heures. Et puis, etc. Et puis, on n'a pas besoin de rien préparer. S'il faudrait que je prépare ou que je médite ou que je me concentre avant, qu'est-ce que ce serait que l'intelligence instantanée? Intelligence instantanée, c'est génial, sauf que quand tu es pris dans le désert, ben, tu te concentres. Puis, si tu es encore en vie quand tu te réveilles, ben là, tu as la réponse. Mais non! L'intelligence instantanée, la concentration, la méditation permet à l'âme de l'homme d'entrer en contact avec les annales akashiques, avec les plans astraux, avec la mémoire planétaire. Ce qui est extrêmement intéressant. L'intelligence instantanée, c'est instantané ou ça ne l'est pas. Si c'est instantané, ça ne vaut pas la peine de se préparer. D'où la facilité. Lorsque l'être humain a un contact avec l'intelligence instantanée, donc avec son esprit, et lorsqu'il accepte de laisser l'esprit s'exprimer malgré qu'il ne sait pas lui ce que lui dit, il n'y a plus besoin de préparation. Je donne des conférences depuis 3 ans, tous les vendredis. J'en donne de temps en temps les mercredis en plus. J'en donne une fois par mois, 3 heures de temps. J'en donne régulièrement dans des congrès d'études et des symposiums. J'en donne à l'extérieur, j'en donne un peu partout. Et jamais je ne prépare les conférences et jamais je ne répète une conférence. Il peut arriver que pour expliquer à certaines personnes des choses neuves, je réexplique des petites choses que j'ai déjà dites, normalement dans d'autres mots. Imaginez-vous que s'il faudrait préparer, en plus du travail, parce que je dois aussi vivre, et je dois aussi m'amuser, et m'occuper de ma famille, et voyager, faire bien des choses. Parce que s'il faudrait que je prépare tout ça, ça n'aurait plus aucun sens. Ça fait longtemps que j'aurais abdiqué. Alors, c'est extrêmement simple, n'est-ce pas? Je fais comme vous, je prends connaissance de la conférence ce soir. Ah, tiens, c'est bien ça. Bon. Et puis, je viens donner une conférence. C'est plus simple. Qu'est-ce qu'un interpréteur actionnel? L'interpréteur actionnel, c'est une partie de l'enveloppe vitale chérubinique qui entoure le périsprit de l'âme. Pas? C'est bien dit, hein? C'est une bibitte qui permet à la pensée impuissante de l'homme de pouvoir manipuler le corps de l'homme. Alors l'homme se dit, la pensée a du pouvoir, de la puissance. Elle a juste la puissance de penser qu'elle en a. C'est fini là. Lorsque je dis à un être humain, ta pensée peut même pas bouger ton bras. Il dit, ben oui, non, non, gars. Parfait, bouge ton oreille. Voilà. Voilà. Et quand tu cours, penses-tu à courir? Non. Une maudite chance que ta pensée, c'est pas elle qui te fait courir. Parce que tu courrais pas longtemps, t'aurais des bleus partout. À un moment donné, tu cours, tu visualises un obstacle en avant, tu continues à regarder en avant, tes jambes sautent par-dessus l'obstacle quand tu ne le regardes même plus, puis tu continues à courir. L'interpréteur actionnel, c'est quelque chose qui est vital, donc qui a la même nature, disons, d'expression que l'intelligence supramentale, mais elle est terrestrifiée, plus basse en vibration. Ça permet quoi? Ça permet à la pensée de dire « j'ai soif », puis l'interpréteur, lui, quand il a appris à interpréter ce que la pensée fait, ben il tend le bras, il prend l'eau, puis il boit, puis il l'avale, puis il s'étouffe pas. La pensée, pas même pas besoin de penser, ça fait tout. Lorsque l'interpréteur actionnel apprend à interpréter d'autres phénomènes de pensée et à les induire différemment dans le corps ou à l'extérieur, ben l'être humain peut faire bouger son oreille, l'être humain peut faire bouger les objets, l'être humain peut faire plein de choses. L'interpréteur rationnel, c'est ce qui permet à la pensée de l'homme de penser que c'est elle qui a le contrôle sur le corps. N'est-ce pas? La personne qui a une thrombose cérébrale, à un moment donné, il y a une partie du cerveau démolie, est paralysée. Elle a beau penser tant qu'elle voudra, ça ne changera rien. Par contre, si elle a la faculté de travailler avec son interpréteur rationnel, ce qu'on appelle dans un langage typique du centre, elle a la faculté de magnétiser son corps, Ben nécessairement, elle pourra réapprendre à réinduire. L'interpréteur va engendrer une mutation. C'est vital, ça se rapporte à la vie. Une mutation neuronique qui va permettre à la pensée et donc à l'interpréteur de découvrir d'autres cheminements qui vont permettre à la personne de récupérer lentement son corps. C'est ce que c'est l'interpréteur actionnel. La pensée, ça se sert de l'interpréteur. Pas d'interpréteur, la pensée, elle a fait finir en maudit. On peut rien faire. On m'invise, ça me fait penser à une question. Ça me fait dire une question. C'est quoi? Menfi, on trouve ça où? C'est tout ça pour dire ça. Ben correct, ben bonne question. Perspicace question. Qu'est-ce que Menfiser? Dans où on trouve ça? Cette technique. Non, c'est pas une technique, évidemment, c'est une technique. Bon, parce que monsieur ici, il fait le PMC, puis dans le PMC, il a appris la technique Menfi, parce qu'il veut vous dire que la technique Menfi, elle permet de menfiser. Bon. Or, la technique Menfi permet de menfiser. C'est le terme, donc, qui se rapporte le plus à ce que l'on veut faire. Sauf que menfiser, on l'apprend n'importe où sur la planète. Lorsque l'être humain est prêt à menfiser, il menfise. Il y en a qui auront besoin de l'apprendre d'une façon plus cartésienne. Alors, évidemment, il y a des séminaires sur la technique Menfi. Sauf que d'autres humains qui n'appelleront pas ça comme ça, puis qui, à un moment donné, vont avoir la faculté de faire bouger un doigt sans effort musculaire nerveux. Un exemple, on vous hypnotise et puis on vous dit « Votre main, elle est légère, elle est légère, elle est légère, elle est légère. » L'interpréteur actionnel souvent va fonctionner, mais toi, tu sens pas que tu forces. Tu peux la laisser là longtemps, ta main, puis les muscles ne seront pas fatigués. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la pensée, c'est l'interpréteur actionnel qui réagit à la pensée de l'autre. Et c'est un ordre vital qui va aux muscles faire lever le bras. Mais ce n'est pas une contraction musculaire, donc il n'y aura pas une crispation musculaire, une contraction des cellules musculaires. Oui. C'est ce qu'on appelle menfiser. Évidemment, si une personne apprend à menfiser, bien normalement, elle menfise. Est-ce qu'elle peut apprendre ça au centre? Oui. Tu dis qu'il faut se laisser guider par notre intuition. Hey, ces deux font la publicité avec moi. Hein? Cela veut dire que l'intuition vient de l'esprit. L'intuition vient de deux choses. L'intuition, c'est tout ce qui amène une connaissance ou un savoir à l'âme. Connaissance ou savoir que l'âme ne peut pas avoir parce que l'âme ne l'avait pas avant. L'intuition peut provenir de la mémoire astrale, la conscience collective, le monde de la mort, les voyeurs, ben les voyants, parce que les autres, ils n'avaient pas ça voyant, mais c'est pareil, parce que voyant, bon. Les cartomanciens, tous les manciens, les prophètes et tous ceux-là ont une intuition souvent qui provient du monde de la mort. Donc, qui est astrale, c'est-à-dire qui n'est pas relié à l'intelligence. L'intuition astrale peut être manipulée par l'intelligence comme elle peut ne pas l'être, c'est mécanique. Et il y a l'intuition supramentale qui permet à l'humain d'amener quelque chose de totalement neuf sur la planète. Le bonhomme qui a écrit la cosmogonie d'Urantia, ce psychiatre, était manipulé par de l'intelligence. Il y avait des raisons pourquoi il l'a amené, comme Alice Bailey, comme... un paquet d'autres avaient des raisons intelligentes. Eux ne l'avaient pas, mais il y avait des raisons intelligentes pour qu'eux l'amènent. Alors, c'était donné une forme d'intuition. Ils n'ont pas vécu plus heureux pour cela parce que l'intuition et les intelligentes ne leur permettaient que d'écrire des choses, mais pas de les comprendre. Et l'intuition astrale qu'ils avaient développée par leur sensibilité, ben, les amenait à vivre ce que la majorité des humains qui ont une forme d'intuition vont vivre. Alors, l'intuition peut provenir de l'esprit et provient souvent du monde de la mort, de l'âme planétaire, du ciel. Et c'est pourquoi l'être humain doit arriver un jour à discerner. Et comment on discerne? La meilleure façon, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Alors, à un moment donné, j'ai le feeling de boire ceci ou de faire cela. Et puis, après ça, je me dis, c'est-tu brillant à le faire? Et puis, ça me dit, hey, c'est moi qui te le dis. Oui, on ne t'a pas appelé, là. Est-ce que c'est brillant de le faire? Ben oui, c'est brillant, ta gueule! L'être humain doit rester son seul maître. De cette façon-là, si l'esprit passe, il le reconnaîtra. Puis si c'est l'absurdité ou l'ignorance ou l'astralité ou les mondes de la mort ou les maîtres ou les gourous ou tout ce genre de choses qui vient lui parler, même si ça lui plaît bien gros parce que ça lui permet de vivre du snobisme de l'évolution, mais il sera capable à un moment donné de discerner des choses intéressantes, des choses qui ne sont pas écologiques. Quelle différence entre de la conscience et de la pensée? Première question. La conscience est un état vibratoire qui ne demande pas la pensée pour être su. La pensée, c'est l'expression mémorielle de ce qu'a été la conscience. Tu rentres dans une pièce, tu écoutes, tu es conscient de tout ce qui se passe, il y a un bruit, tac, et là tu te dis, ah, il y a quelque chose là-bas. Ça, c'est la pensée de la conscience. Tu n'es plus conscient. Tu es conscient de ta pensée. Tu es conscient de ta mémoire. Sauf que si tu restes totalement conscient, ça fait toc. Ça fait toc. Tu sais que ça se rapproche, mais tu n'as pas besoin, t'as pas besoin de le penser. Tu le sais. Et si c'est quelque chose de dangereux, ben, tu feras toc quand ça passera. Tu n'auras pas pensé. Mais si tu penses, toc. Toc. On se rapproche. Toc. Ça, c'est la pensée. Il y a une différence majeure. Une question à mon tour. C'est quoi la conférence la semaine prochaine? La conférence la semaine prochaine. Hein, c'est un bon moyen d'introduire Mario. Le rôle cosmique de l'homme. Oh, parfait ça. Faut que je me prépare. Ah, bonne semaine. Prenez-vous pas au sérieux. Amusez-vous bien. Il n'y a plus de neige, là. Merci, Daniel.